Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à nos invités. C'est à moi que revient l'insigne honneur de présenter nos illustres invités, l'Université populaire de Tours et le déroulement de cette soirée. Je vais commencer par l'Université populaire de Tours, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, je pense. Pour rappel, peut-être, c'est une association fondée en 2005 par un collectif d'habitants de l'agglomération tourangelle qui s'est donné pour objet d'organiser le croisement des savoirs entre citoyens sur les enjeux contemporains. Cette Université populaire de Tours est aussi un lieu de formation, d'échange et d'action collective. Alors très, très rapidement, parce que je pense que la soirée va être dense, qu'organisons-nous à l'Université populaire de Tours des conférences comme celle de ce soir, des cafés géo qui ont, allez, on va le dire modestement, mais quand même, de plus en plus de succès, des cafés géo en partenariat avec des associations étudiantes, ce qui semble aussi important à préciser. Et puis un ciné-club avec un partenariat là aussi mené avec l'Université de Tours, la faculté de droit plus précisément, un cycle de ciné-club auquel vous êtes bien sûr chaleureusement conviés. Peut-être des petites précisions pratiques. Nous fonctionnons par le biais de ce collectif. Nous avons besoin de votre soutien. Vous êtes là, vous nous soutenez. Nous avons aussi de temps en temps besoin d'un soutien financier pour les affiches, les modalités matérielles. Et donc, vous trouverez, si vous voulez nous soutenir, des bulletins d'adhésion qui ont cette forme-là sur la table du fond. Voilà pour l'Université populaire de Tours. Est-il besoin ce soir de présenter Pierre Jorps? Eh bien, peut-être que oui, si je peux me permettre de le faire. Chacun d'entre vous se souvient certainement que M. Jorps a été ministre de l'Intérieur, de l'Industrie, de la Défense, membre du Conseil constitutionnel. Il est président honoraire de la Cour des comptes, mais peut-être que tout le monde ne sait pas que vous êtes toujours avocat au barreau de Paris, où vous défendez notamment les mineurs, les droits des mineurs. Mineurs sur lesquels vous avez publié un ouvrage, Pas de quartier, délinquance juvénile et justice des mineurs, et mineurs pour lesquels vous avez failli démissionner du Conseil constitutionnel en 2004, tant les lois Perben sur la garde à vue des mineurs vous semblaient choquantes sur le plan juridique et humain. Peu d'entre nous savent encore que vous assistez comme discret auditeur à de nombreuses audiences des juridictions sociales dont vous allez nous parler ce soir, et sur lesquelles vous calculez que, en raison de leur manque de moyens financiers, un avocat consciencieux, s'il veut bien faire son travail, peut évaluer sa rétribution à 3 euros de l'heure. Alors je pense que vous relativiserez ce propos peut-être tout à l'heure. À la lecture de votre livre, merci Catherine, à la lecture de votre livre « Soif de justice », on comprend que c'est un véritable engagement, une mission, j'oserais presque dire un sacerdoce, professionnel, personnel, militant, humaniste, que de travailler dans ces pauvres juridictions et ces juridictions des pauvres. Des juridictions souvent invisibles, méconnues, qui fonctionnent dans l'indifférence générale, sauf que chacun d'entre nous peut avoir affaire à ces juridictions. Des juridictions qui examinent le plus souvent les petites affaires, les affaires des petits, des obscurs, des sans grade, mais pas toujours. Ces requérants victimes, écrivez-vous, qui se sentent parfois en position d'infériorité et parfois aussi en position d'accusé, d'où l'importance, écrivez-vous, de la dimension morale de leur réhabilitation. Peut-être est-il encore probable que personne ne sait que vous reversez vos droits d'auteur à des associations et que vous n'êtes pas rétribué pour votre action, considérant, je vous cite, que, comme le font beaucoup de retraités de la fonction publique, l'exercice bénévole d'activités socialement utiles est le prolongement normal d'une vie professionnelle consacrée au service public. Au nom de l'Université populaire de Tours, je ne peux que vous remercier de l'honneur que vous nous faites en ayant accepté notre invitation à venir présenter ici et précisément dans le grand ensemble du Sanitas votre ouvrage tiré d'années de travail, d'expérience et d'engagement. Cet ouvrage, de lecture très accessible, fondé sur de nombreux exemples concrets, se lit comme on boirait du petit lait. Sauf que le petit lait est souvent bien amer, puisqu'il interroge, que votre ouvrage interroge les droits fondamentaux des hommes à la justice. Il faut lire Soif de justice. Face à l'injustice et aux injustices, chacun doit s'interroger, comme vous l'avez fait un jour, quittant choqué par l'iniquité du jugement rendu, quittant choqué donc une salle d'audience, votre robe d'avocat sur les bras, en vous demandant si vous ne risquiez pas 5 ans de prison pour non-assistance à personne en danger. Nous avons organisé cette conférence en invitant également Catherine Lison-Croze, que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent ici à Tours. Catherine Lison-Croze est avocate honoraire, grande militante, très engagée au service des sans-droits et des droits de l'homme. Et bien sûr, au nom de l'UPT, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Je, bien sûr, vous laisse maintenant la parole, Monsieur Jox, pour une heure de conférence. Catherine, si vous le voulez bien, vous réagirez. Et bien sûr, l'idée de cette conférence est également un débat avec la salle. Donc, nous attendons vos questions. Et cette dernière conférence de l'année sera suivie par un pot. Merci. Bonsoir. À la technique, vous pouvez monter un petit peu, mais un petit peu, pas trop. Donc, je suis très heureux d'être devant une université populaire. La semaine dernière, j'étais devant une université à Nanterre qui était peut-être moins populaire, mais quand même très orienté vers les droits fondamentaux. Et l'université de Nanterre a d'ailleurs un éminent professeur à Tours, c'est Madame Roman, qui est une des femmes les plus distinguées et plus respectées dans le domaine des droits fondamentaux, c'est-à-dire des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits de l'enfant, des droits de l'immigré, des droits qu'on appelait autrefois largement les droits de l'homme. Parmi les droits fondamentaux, il y a les droits particuliers des travailleurs, qui sont des droits aujourd'hui considérés comme fondamentaux, mais qui sont assez nouveaux. Comme je sais que dans l'audience, il n'y a pas que des juristes, je pense qu'il est peut-être utile que je fasse un petit exposé sur ce problème des droits. Quels sont ces droits ? J'ai fait ce livre, en effet, que j'ai appelé « Au secours des juridictions sociales ». Qu'est-ce que c'est que les juridictions sociales ? Pourquoi au secours ? Au secours parce qu'elles ont besoin qu'on les aide à sortir de la misère et du dénuement où elles se trouvent. J'ai appelé ce livre « Soif de justice ». Pourquoi ? Parce que justement devant les juridictions sociales, c'est là qu'on trouve les gens, des hommes, des femmes, des gens âgés souvent beaucoup de gens d'origine étrangère, les gens qui sont au bas de l'échelle sociale du point de vue des rémunérations, du point de vue des difficultés de vie. Et donc ce sont des juridictions qui traitent essentiellement de la misère humaine, des difficultés des gens les plus pauvres. Et elles sont assez peu connues en partie à cause de ça, parce qu'au fond, elles ne sont pas très... Alors, qu'est-ce que c'est juridiction ? Les tribunaux, les cours d'assises... Les tribunaux correctionnels, les cours d'appel, ce sont des juridictions. À travers le monde, différents types de juridictions. Juridiction, c'est l'organisme qui dit le droit. Juridiction, dit le droit. Quel droit ? Le droit qui s'applique à telle ou telle situation. Les juges, les juridictions, appliquent le droit en fonction de la loi. Dans les pays d'états de droit comme nous, il y a des lois, il y a des textes. Et puis il y a des juges qui appliquent les lois. Les juridictions sociales, elles appliquent le droit social. Donc vous comprenez facilement pourquoi pendant très longtemps, dans l'histoire de l'humanité, il n'y avait pas de juridiction sociale en France, ni au XVIIIe siècle, ni au XVIIe siècle, ni au XVIe siècle, ni au premier millénaire, ni au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, pendant toute une période de l'humanité. Il y avait des juridictions pénales pour condamner les gens à mort, pour leur couper la main s'ils avaient volé. Il y avait des juridictions civiles, dans la Rome antique, pour dire qui est le fils de qui, ou à qui appartient ce champ, ou qui doit telle somme d'argent à qui. Donc des juridictions, il y en a depuis très longtemps, depuis la plus haute antiquité. Mais les seules juridictions que l'on connaisse depuis presque toujours, depuis qu'elle vit en société, ce sont, au fond, ce sont d'abord, c'est triste à dire, mais non, ce sont les juridictions pénales, les juridictions qui punissent le crime avec des peines plus ou moins féroces, ou qui punissent les délits, c'est-à-dire les petites fautes avec des peines moins graves. C'est ça les juridictions qui sont des siècles et même des millénaires derrière elles. Le code d'Hammurabi, l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, c'est un formidable progrès dans le droit. Ça veut dire, œil pour œil, on te crève un œil, tu peux crever un œil, mais pas deux. C'est un progrès formidable. Donc des juridictions pénales, c'est une très vieille histoire. Les juridictions civiles qui disent qui est le fils de qui, c'est important. Ou à qui appartient cet âne, ou ce pré, ou cette maison. Ça existe aussi depuis des siècles. Et pendant très longtemps, le droit et les juridictions ne se sont occupés que de ça. Et dans toute notre histoire de France, mais c'est vrai pour tous les pays européens, et aussi loin qu'on puisse remonter à travers le monde, pendant très longtemps, il n'y a de juridiction que pénale, civile, petite variante, des juridictions commerciales qui s'occupent des affaires des commerçants, qui s'occupent du commerce international, dès le XIVe siècle, dès le XVe siècle. Mais ce n'est jamais que des affaires de fric, des affaires civiles, finalement. Des juridictions de prud'homme qui existent déjà en France, par exemple, au XVIIe siècle, qui s'occupent des relations entre, dans les corporations, entre maîtres, pas les patrons, mais maîtres, dans les corporations, et compagnons et apprentis. C'est avant l'époque du salariat, c'est dans le système des corporations. Quand il y avait des conflits, il fallait quand même qu'on règle ces questions entre, par exemple, maîtres et compagnons, ou entre apprentis. Mais c'était des juridictions civiles particulières, un peu spéciales. Mais on avait donc des juridictions pour appliquer la loi pénale ou pour appliquer le droit civil. Et puis c'est tout. Les juridictions sociales, il n'y en a pas besoin quand il n'y a pas de droit social. C'est clair. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit social ? Pour gagner du temps, je vais vous prendre l'exemple d'un pays où il n'y a que une juridiction sociale, qui s'appelle le tribunal du travail. C'est la Belgique. Ce n'est pas un pays inconnu, ce n'est pas un pays lointain. C'est simple là-bas. En France, c'est très compliqué. En France, comme vous le savez, il y a une organisation des juridictions pénales, avec les tribunaux, les tribunaux correctionnels, les cours d'appel et les cours d'assises aussi pour les crimes. Et puis il y a une organisation des juridictions civiles, tribunaux, tribunaux de grande instance, les cours d'appel aussi, la cour de cassation. Mais les juridictions sociales, elles sont toutes d'une origine récente, en gros du XXe siècle, du siècle précédent. Il n'y en avait aucune au XIXe siècle. Sauf quelques conseils des prud'hommes qui avaient commencé à évoluer entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Donc parler des juridictions sociales, c'est parler de quoi ? Eh bien, en Belgique, c'est très simple. Je vais vous lire un document belge. J'ai dû emprunter ce livre à un de mes amis qui est dans la salle parce que j'avais oublié de le prendre. En Belgique, c'est très simple. Dans chaque arrondissement judiciaire belge, je vous lis le document belge. Il existe un tribunal de première instance, un tribunal de commerce et un tribunal du travail qui règle les litiges entre employeurs et travailleurs salariés, contrat de travail, accident du travail, règlement d'entreprise. Premièrement, entre employeurs et salariés. Deuxièmement, les litiges en matière de sécurité sociale au sens large, assurance maladie, pension, chômage. Troisièmement, les litiges en matière d'aide sociale, prestations sociales, au sens large, etc. Donc, dans la Belgique voisine, depuis 40 ans, tous les conflits sociaux, tous les problèmes de droit social, qu'il s'agisse du droit du travail, qu'il s'agisse de droit de la sécurité sociale, qu'il s'agisse de droit des prestations sociales, RMI, on dirait RSA aujourd'hui, vont devant un seul et même tribunal, qui s'appelle le tribunal du travail. Pourquoi le tribunal du travail ? Pourquoi est-ce qu'en Belgique, ça s'appelle le tribunal ? Pourquoi pas le tribunal social ? Parce que c'est comme ça l'histoire l'établit. Le droit social s'est développé sous la pression de la transformation du travail et sous la pression des organisations de travailleurs. C'est le développement du salariat par rapport au système qui existait avant la révolution industrielle. Le développement du salariat, le développement du salariat de masse, de la grande entreprise, d'une classe ouvrière exploitée, surexploitée, agglutinée dans des grandes villes. C'est le développement de ce grand salariat, de l'exploitation capitaliste maximum, qui a amené l'action des organisations de travailleurs, l'action syndicale et des luttes pour obtenir des lois contre la domination du grand capital ou du capital tout simplement sur les travailleurs. Et c'est pour ça, c'est l'origine liée aux luttes des travailleurs qui fait qu'en Belgique on appelle tribunal du travail le tribunal social. Pourquoi est-ce que je vous parle de la Belgique ? Parce que c'est un exemple qu'on pourrait suivre. En France, les juridictions sociales, alors vous le savez plus ou moins, c'est le Conseil des prud'hommes. Les conseils des prud'hommes, il y en a à peu près 207 à travers la France. Ils règlent cette première fonction que le tribunal du travail belge règle, c'est-à-dire les litiges entre employeurs et travailleurs. Le Conseil des prud'hommes, sous l'Ancien Régime, ils avaient cette fonction à l'intérieur du système corporatiste. Ils ont été supprimés par la Révolution, rétablis par Napoléon, qui en a rétabli une vingtaine au fil des années, et généralisé au XXe siècle. Et c'est comme ça, aujourd'hui, vous connaissez plus ou moins sans doute ce Conseil des prud'hommes, cette juridiction spéciale, paritaire, avec des élus syndicaux, et des représentants des employeurs, et tant bien que mal fonctionne, tant bien que mal, parce qu'elle manque beaucoup de moyens. Il paraît qu'à Tours, le délai moyen ou normal d'une instance devant le Conseil des prud'hommes dépasse rarement 6 mois. En moyenne. En moyenne, ben, c'est merveilleux, je suis très heureux de le découvrir et de l'apprendre, mais je peux vous dire qu'à travers la France, la moyenne c'est triple, 18 mois, et dans la région parisienne c'est parfois le quadruple, et couramment, pas couramment, mais assez fréquemment 3 ans. C'est-à-dire, je m'arrête un instant sur ce problème du Conseil des prud'hommes, parce que c'est une question qui est d'actualité. Qu'est-ce que c'est que les conflits du travail ? C'est les conflits, comme on le voit pour l'exemple belge, le contrat de travail, le problème des accidents de travail, qui est responsable de l'accident de travail, qui va payer. Et puis les règlements intérieurs de l'entreprise. Tout ce droit du travail, c'est un droit qui s'est développé à la fin du 19e siècle, qui s'est développé au cours du 20e siècle, au moment du Front populaire, à la Libération, avec les ordonnances prises par la suite en s'inspirant du programme du Conseil national de la Résistance, et qui fondamentalement ont créé un droit du travail qui dit le contraire du code civil. C'est-à-dire que le droit individualiste du code civil dit « Ah, tout le monde est égal, liberté, égalité, le contrat c'est la loi des parties ». Très important ça. Qui fait la loi ? Ah, les députés, les législatifs. Mais entre les gens, le contrat est la loi des parties. Donc on peut faire sa loi, on peut faire la loi quand on contracte avec quelqu'un. Le droit du travail s'est développé au 19e siècle pour dire le contraire. Le contrat ne sera pas la loi des parties. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'inégalités en général, surtout dans la grande industrie, surtout dans les grandes entreprises. Il y a trop d'inégalités entre le patron et le salarié pour qu'on puisse accepter que ce soit le contrat qui ferait la loi des parties. Et le droit du travail s'est développé pour dire « Attention, le contrat sera la loi des parties s'il respecte les lois supérieures. » C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas engager un enfant de 10 ans pour travailler dans les mines. On ne peut pas engager une femme enceinte pour travailler dans certaines circonstances. On ne peut pas mettre en danger la vie d'un travailleur en l'exposant à telle ou telle maladie professionnelle, etc. Le droit du travail, c'est un droit qui s'est développé contre la liberté d'employer n'importe qui, n'importe comment. Et vous voyez bien que si c'est une question historique, en pensant aux luttes syndicales dans les mines ou dans les grandes usines, dans les grandes agglomérations au 19e siècle, c'est un combat historique qui existe encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a énormément de travailleurs étrangers qui vivent dans l'illégalité en France, qui travaillent beaucoup, et qui vivent dans deux illégalités, celles qu'ils ont créées en venant irrégulièrement en France, mais dans laquelle on accepte de les faire travailler quand même. Et la deuxième illégalité, c'est qu'ils ne bénéficient pas du droit du travail dont bénéficient les travailleurs classiques, syndiqués, normaux, constitués, enregistrés, parce que s'ils révèlent, s'ils vont porter plainte contre le patron pour telle ou telle chose, on va dire « Ah mais vous, vous êtes illégal », ils vont perdre leur travail. Donc cette histoire du droit du travail comme droit contraire au droit normal, contraire au droit civil, contraire au droit libéral, contraire aux lois qui disaient, comme le Code civil, le contrat fait la loi des parties, c'est un droit d'exception. Sauf qu'il est devenu la règle dans les pays civilisés. C'est-à-dire que très vite, à la fin, pas très vite, mais enfin, dès le milieu du 19e siècle, la question a été posée, et au long du 19e siècle, et puis pendant le 20e siècle, on a posé des limites au droit du contrat de travail. Il ne peut pas être signé n'importe comment. Le salaire est contrôlé, le repos hebdomadaire est obligatoire, les congés payés ont été créés au moment du Front Populaire, et il y a toute une construction d'un droit du travail. Ce droit du travail, ce droit des rapports entre l'employeur et l'employé, en France, il est régi par des juridictions très particulières, les prud'hommes, qui connaissent de telles difficultés, pas à Tours, mais à travers la France, que, pour vous donner un exemple, le tribunal de grande instance de Paris, c'est-à-dire le tribunal de grande instance de Paris, c'est l'État qui juge, a condamné l'État 70 fois l'année dernière parce que le Conseil des prud'hommes de Paris n'avait pas traité en temps et en heure des affaires qui étaient pendantes et qui avaient laissé attendre des gens pendant, non pas 6 mois, mais plus de 2 ans et jusqu'à 4 ans. Vous direz, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi on condamne l'État, Oui, l'État était condamné à payer des dommages-intérêts à ces gens pour ce que l'on a appelé déni de justice, parce que leur affaire n'avait pas été jugée pendant jusqu'à 3 ans et 4 ans. Et l'État était condamné, je dis l'année dernière, en fait c'est l'année d'avant que c'était le plus spectaculaire, il y a eu ces 70 condamnations. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Les juges qui ont motivé, je lis les motifs, l'agent judiciaire du Trésor ne rapporte pas la preuve, qui c'est l'agent judiciaire du Trésor, aujourd'hui c'est l'agent judiciaire de l'État, c'est le Trésor public, c'est le représentant de l'État en justice pour ces questions financières, ne rapporte pas la preuve que des mesures particulières ont été prises par le ministère de la Justice ou la juridiction en cause pour rechercher une solution aux difficultés rencontrées par le Conseil des prud'hommes de Bobigny, Paris, etc. C'est-à-dire qu'on est arrivé en France à un tel degré de retard, de mauvais fonctionnement de la justice du travail, du Conseil des prud'hommes, que l'État se condamne lui-même en justice à verser des dommages-intérêts, mais par dizaines, allant de 4 000 à 25 000 euros à un certain nombre de gens, parce qu'ils avaient attendu une décision trop longtemps. Donc c'est ce déni de justice qui a été provoqué par des retards, qui a provoqué des dommages parfois irrémédiables, parce que quelqu'un qui est licencié de façon injuste, un licenciement abusif, s'il doit attendre 4 ans, ou 3 ans, mais même 2 ans, mais même 1 an, celui qui obtient justice, peut-être, au bout de 2 ans, qui a attendu pendant 2 ans, c'est pas le même homme, c'est pas la même femme. Il a souffert, peut-être sa vie professionnelle a été détruite, sa capacité a été diminuée, il est devenu dépressif, sa femme l'a peut-être plaqué, ou son mari, ou son Jules l'a plaqué, etc. Les gens ont souffert, ils ont perdu beaucoup d'argent, ils ont des difficultés. Ce n'est pas le même homme qui reçoit justice au bout de 3 ou 4 ans. D'une certaine façon, c'est trop tard. Et vous direz, ben, l'indemniser de milliers d'euros, ça ne résout rien. Ça. Mais c'est pour vous dire que la situation de la France, à cet égard, est très grave. Parce que des décisions de prud'homme par an, il y en a à peu près 200 000 par an en France. 200 000 affaires. Ça veut dire que tous les jours ouvrables, il y en a 1000. Ça concerne chaque jour 1000 personnes. C'est un domaine de la justice très important. Pour vous donner un exemple, l'activité des juridictions en France, des juridictions civiles, c'est à peu près 2 millions de décisions par an. Les divorces, les reconnaissances, même les héritages, les problèmes, 2 millions par an. Les juridictions pénales, à peu près 500 000 décisions par an. 450 000, c'est difficile de faire les statistiques là-dessus, parce qu'il faut juger les décisions au fond. Mais disons, en gros, c'est un ordre de grandeur, 500 000. Eh bien, les décisions des juridictions sociales, c'est 500 000 décisions par an, autant que les juridictions pénales. Ça concerne autant de monde. Dont 200 000 pour les conseils des prud'hommes, et les autres pour les autres juridictions sociales. Quelles sont les autres juridictions sociales et qu'est-ce que les gens viennent demander devant? Alors, certains d'entre vous, sans doute, le connaissent, c'est le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale, c'est le tribunal devant lequel on va quand on n'est pas d'accord avec une décision de la caisse de sécurité sociale qui a soit refusé un remboursement, soit minoré un remboursement, soit demandé un reversement. Enfin, quand il y a un litige, ça va devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est un tribunal social un peu particulier, qui n'est pas comme le conseil des prud'hommes composé de deux salariés de représentants d'employeurs, mais de un magistrat professionnel et deux assesseurs, un représentant des salariés, un représentant des employeurs. Le tribunal des affaires de sécurité sociale, il règle plus ou moins bien environ 100 ou 120 000 affaires par an. Il fait le travail que fait en Belgique le tribunal du travail, puisque je vous l'ai lu tout à l'heure. En Belgique, le tribunal du travail non seulement fait le travail de ce que fait notre conseil des prud'hommes, mais il fait aussi le travail, les litiges en matière de sécurité sociale. En France, il y a deux tribunaux différents pour cela. Il y a encore un autre tribunal, il y a encore une autre juridiction sociale, il y en a cinq autres. Oui. C'est le tribunal du contentieux de l'incapacité. Vous avez entendu parler autrefois, c'était les Cotorep. Ça dit quelque chose, Cotorep, bon, pourquoi c'est un nom, on dirait un nom d'un dieu mexicain, mais non, c'était pas. Aujourd'hui, il y a le tribunal du contentieux de l'incapacité traite de questions extrêmement douloureuses, extrêmement importantes pour un petit nombre de gens, des handicapés. Pour un petit nombre de gens, un nom assez important, les handicapés, en plus, ça concerne chaque fois le handicapé, et ça concerne chaque fois au moins une, et généralement deux ou plus de personnes, c'est-à-dire sa mère, ou son père, ou son mari, ou son... C'est celui d'une juridiction extrêmement qui traite des questions extrêmement douloureuses parce que ce sont des gens à qui on va accorder ou refuser une prestation, une compensation, une aide familiale pour aider lui ou ceux qui les aident, sa mère ou son mari, à vivre de façon à peu près normale. Parce que le handicap subi par une personne, qui peut être un handicap physique, après un grave accident du travail, quelqu'un qui a perdu deux jambes dans un accident, comme je raconte dans une des choses que j'ai vues, ou de naissance, des enfants qui ont des problèmes, etc., ou venant plus tard dans la vie, c'est une juridiction très douloureuse, c'est très douloureux d'assister à ces... Parce que ce qu'on va juger à tout moment, c'est d'une certaine façon, comment est-ce qu'on va partiellement, financièrement, compenser une douleur, une souffrance, en aidant ceux qui aident, c'est-à-dire la famille à ce... Bon. Ça fait encore des dizaines de millions de décisions par an, et c'est une juridiction devant laquelle les gens comparaissent. Ils comparaissent, ils sont examinés médicalement, presque devant le tribunal. Il y a une porte sur le côté, ils sortent avec le médecin expert. Ici, je vois, il y a des gens qui ont l'air d'avoir l'expérience, parce que là aussi, il y a des assesseurs. Assesseurs, il y a un magistrat, et il y a deux assesseurs. Et en sortant du cabinet médical où on examine la personne, alors le médecin expert dit non, oui, non, une augmentation, non, pas d'augmentation. Ça a évolué dans les sens. Et c'est assez poignant parce qu'on voit là des gens qui... Bon, on ne peut pas toujours... parfois, on ne peut pas du tout compenser le handicap. Il n'y a plus de jambes. On peut aménager son fauteuil électrique. On peut aménager sa voiture pour qu'il puisse conduire. On peut aménager sa maison pour qu'il puisse circuler plus facilement. Pas lui rendre ses jambes, des gosses gravement handicapés ou des gens gravement handicapés. Mais l'intervention de la société pour compenser partiellement, financièrement ou par l'aide de tierces personnes le handicap, c'est une justice très complexe, très technique, qui repose sur des barèmes, des analyses, des expertises, etc. Ça, en Belgique, c'est fait par le même tribunal du travail. Il y a encore une troisième... Quatrième tribunal social en France, c'est la commission départementale d'aide sociale. Alors là, c'est le baroque français dans son horreur. Oui, j'ai oublié de dire que les tribunaux du contentieux de l'incapacité, il y en a un par région. Il y en a un par région, ce qui pour beaucoup de gens, un par région. Ici, c'est Orléans. Ce qui, pour beaucoup de gens, surtout des handicapés, ou des handicapés qui n'ont pas une famille particulièrement, ça pose un problème d'aller au lieu du tribunal, au chef-lieu de la région. C'est pour ça que ces tribunaux souvent font des audiences foraines. Et, curieusement, ce sont des tribunaux qui fonctionnent presque uniquement avec des bénévoles. Des magistrats, vous citiez tout à l'heure le fait qu'en effet, je suis magistrat honoraire et que, de façon générale, je fais des choses bénévoles. Mais les gens qui s'occupent de ça, ce sont presque tous des magistrats en retraite, et parfois très en retraite, depuis très longtemps. La présidente du tribunal du contentieux de l'incapacité, parce que j'en ai visité plusieurs à travers la France, celle de Bordeaux, c'est une très vieille dame, elle est formidable. Hein, on pourrait jamais penser qu'elle est à la retraite depuis 14 ans. Et puis elle n'est pas à la retraite, elle travaille, mais elle est quasiment bénévole. Et c'est comme ça dans presque tous les tribunaux du contentieux de l'incapacité en France. En Belgique, il y a des professionnels au tribunal du travail avec des sections qui s'occupent de ça. En France, on renvoie ça en grande partie à du bénévolat, quasi-bénévolat. L'autre catégorie, c'est les tribunaux, la commission départementale d'aide sociale. C'est celle devant laquelle on vient, par exemple, pour longtemps le RMI, aujourd'hui le RSA, ou devant lesquels on vient pour, par exemple, l'aide médicale d'État, en particulier pour des étrangers qui ont droit à une certaine aide. La commission départementale d'aide sociale, c'est un monstre juridique, puisque c'est une commission à membre unique. Pour des raisons historiques, juridiques compliquées, c'est un tribunal administratif qui, à l'origine, était présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire, généralement sans formation préalable ni durable, et qui était assisté par des conseillers généraux, des fonctionnaires de la sécurité sociale ou du département, etc. Et pour des raisons diverses, je vous passe les détails, on a élagué comme un arbre de Noël à qui on retire toutes les branches. Il ne reste plus que le magistrat unique, le plus souvent il siège tout seul, donc c'est une commission à membre unique. Et la présidente se préside elle-même, c'est souvent des femmes, et elle se délibère toute seule pour prendre des décisions devant salle vide, puisque la plupart des décisions sont prises sur dossier, et que très peu de gens viennent plaider leurs affaires, et très peu de gens sont accompagnés d'avocats. Or, ce sont des décisions très importantes, et souvent, vitales pour des gens, parce qu'on va leur donner ou non l'aide médicale, on va leur donner ou non telle prestation. Ça, c'est traité en Belgique par le même tribunal du travail. Je reviens à un sens sur les questions de prestations. Pourquoi est-ce qu'on verse des prestations familiales ou pour les handicapés ou des retraites ou pour compenser telle ou telle difficulté de la vie correspondant au chômage, à un congé maternité? Pourquoi est-ce que ces prestations existent ? Uniquement par des luttes syndicales qui ont duré plus d'un siècle. Pendant très longtemps, il n'y avait aucune prestation sociale, d'aucun domaine. Ça a commencé en France très tardivement, à la fin du 19e siècle, en réalité au 20e siècle. Les femmes enceintes, elles étaient enceintes, et puis la famille s'occupait comme ils pouvaient. Bon. Les chômeurs, ils chômaient, et puis ils crevaient de faim, ils se débrouillaient. Bon. Les accidentés, ils se débrouillaient, il n'y avait pas. Il y avait la charité publique ou privée qui allégeait les souffrances, apportait des aides et des œuvres publiques, l'assistance publique qui apportait comme elle pouvait. Et puis il y avait des aides privées, souvent religieuses, historiquement elles étaient toutes religieuses d'ailleurs, qui apportaient par charité, par bienveillance, une aide qui n'était pas un droit, qui était une chance pour celui qui l'avait et puis une malchance pour celui qui l'avait pas. Pourquoi est-ce que ce sont des droits? Parce qu'il y a une évolution dans les sociétés contemporaines consistant à considérer que les droits de l'homme et par exemple aussi les droits de la femme ou accessoirement les droits de l'enfant ou les droits des vieux travailleurs, ce n'est pas seulement liberté, égalité, c'est pas seulement la liberté et l'égalité théorique. C'est le droit de recevoir une manifestation de solidarité humaine de la part de la société tout entière, comme un droit et non pas comme la chance de recevoir une aumône ou une charité ou une aide. C'est une révolution philosophique qui a consisté à introduire progressivement dans le droit politique ces droits fondamentaux, consistant à dire les droits de l'homme, ce n'est pas seulement la liberté d'aller et de venir, ce n'est pas seulement la liberté de dire ce qu'on pense, d'écrire et de publier ce qu'on pense, ce n'est pas seulement ne pas pouvoir être mis en prison sans qu'un juge intervienne, c'est aussi le droit à la vie, le droit à un minimum vital, le droit à des congés, le droit à tous ces droits sociaux qui n'existaient pas au XIXe siècle, sont devenus des droits. Et comme ce sont des droits proclamés, la question est de savoir pourquoi ils sont proclamés et comment est-ce qu'on contrôle leur application. S'ils sont proclamés mais que personne ne juge leur application, ce ne sont pas des vrais droits, ce sont des droits qui sont proclamés. Il y a beaucoup de pays dans le monde, comme l'Inde ou comme le Brésil ou comme l'Afrique du Sud, où il y a des droits proclamés qui ne sont pas appliqués. Le droit au logement, le droit à des allocations familiales, quand il y a des régions entières de l'Inde où c'est proclamé, mais ce n'est pas appliqué. Pourquoi ? Parce que l'Inde est encore dans un pays d'inégalité, de sous-développement, dans certaines régions telles que ce n'est pas. La caractéristique des démocraties modernes d'Europe, ou de quelques pays en dehors d'Europe d'ailleurs, c'est que ces droits fondamentaux, ils sont réputés susceptibles de recours. J'y ai droit, donc un juge va me le reconnaître. C'est ça ce qu'on appelle la justiciabilité d'un droit. C'est-à-dire que j'ai droit à une allocation familiale, mais si on ne me la verse pas, je vais trouver un juge. Et ces juridictions sociales, ce sont le complément des droits sociaux. S'il n'y a pas de juridiction sociale, s'il n'y a pas de juge devant lequel on puisse aller dire « Mais, voyons, voilà mon enfant handicapé, il y a des lois qui ont dit que dans telle et telle circonstance, j'ai droit à telle ou telle prestation, on ne me le verse pas. » S'il n'y a pas un juge pour dire « Oui, et à telle caisse, dire, vous allez payer », ce droit n'existe pas. Vous comprenez bien que s'il n'y a pas un juge pour arrêter les voleurs, le droit à la sécurité n'existe pas. S'il n'y a pas un juge pour protéger la propriété de votre maison ou de votre champ, le droit à la propriété n'existe pas. Très tôt, le droit de la propriété a été protégé. Mais les droits sociaux sont venus très tard. Et en France, on se trouve dans une situation particulière en Europe, c'est que les juridictions sociales sont spécialement complexes, inaccessibles et incompréhensibles. Par exemple, devant une CDAS, j'ai vu, je raconte ça dans mon livre, mais j'en ai vu d'autres, une commission départementale d'aide sociale, cette juridiction bizarroïde, dans un département de la banlieue de Paris, arrivait, où je suis venu comme pour y assister, je vais aller voir, arrivait dans l'ascenseur, parce que en plus, ça se trouve souvent pas dans... C'est souvent des juridictions qui ne siègent pas dans les palais de justice. Je ne sais pas comment c'est à Tours. Le TAS siège au palais de justice. Il est au palais. Ah bon. Oui, il est au aujourd'hui. Le TAS au palais. Il est au palais. La commission ne siège pas au palais. La CDAS, c'est ailleurs. Voilà. Et le TCI, il est à Orléans. Ouais, oui. Le conseil des prud'hommes. Il est excentré, le conseil des prud'hommes. Dans les faubourgs. Ouais. C'est non, pas dans les faubourgs, non. Mais loin du palais de justice. Loin du palais de justice, près de la gare, souvent. Donc, c'est très intéressant. C'est une justice, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est une justice qui ne se rend pas dans les palais de justice, sauf exception, le TAS. Bon. C'est une justice qui ne se rend pas dans les palais de justice. En Belgique, le tribunal du travail, c'est un des tribunaux du palais de justice. Ne croyez pas que je suis obsédé par la Belgique, parce que je vais vous parler de l'Allemagne maintenant. Quand j'aurai fini de parler de la France, bien sûr. Parce qu'en France, il n'y a pas que le Conseil des prud'hommes pour les conflits du travail, le TAS, Tribunal des affaires de sécurité sociale pour la sécurité sociale, le TCI pour les questions d'incapacité, la CDAS pour les questions de prestations sociales, de RSA ou d'aide médicale d'État, etc. Il y a aussi des tribunaux administratifs. Dans certains domaines, ça relève du tribunal administratif. Donc, pour un Français moyen, ou au-dessus de la moyenne, ou en dessous de la moyenne, sur le plan intellectuel, ou social, ou financier, etc., ça, faire reconnaître, faire respecter ces droits sociaux qui ont été voulus par la loi, c'est plus compliqué qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'en France, il n'y a jamais eu la construction systématique et méthodique d'un ensemble de juridictions sociales parallèle à la construction d'un droit social. Le droit du travail, il est né avec les premières lois du 19e siècle pour limiter le travail des enfants, le travail des femmes, le travail de nuit, uniquement dans les mines ou dans les grandes entreprises. Il est intervenu pour contrôler la sécurité du travail, des machines dangereuses, pour compenser les accidents du travail. Il est intervenu au XXe siècle pour le repos hebdomadaire, pour la limitation de la durée journalière ou de la durée hebdomadaire du travail, pour la création de congés. Au fil des ans, depuis 1840 jusqu'à 1945 essentiellement, vous avez sur un siècle une série de lois, mais il n'y a jamais eu la construction de juridictions sociales destinées à traiter l'ensemble de ces problèmes-là. En Belgique, ça s'est fait il y a 30 ou 40 ans. En Allemagne, ça s'est fait il y a 150 ans, il y a 140 ans. Pourquoi je vous parle de l'Allemagne maintenant? Parce que c'est très intéressant, on vit dans une Europe, on dit l'Europe juridique, etc. Mais si on regarde les structures juridiques des pays voisins en Europe, on s'aperçoit qu'il y a une incroyable diversité correspondant à l'incroyable diversité d'expérience de ces différents pays. En Allemagne, pour des raisons historiques, très liées à l'histoire de France d'ailleurs, il a été créé dès la fin du 19e siècle des systèmes d'assurance sociale, une législation sociale, des tribunaux du travail, des tribunaux sociaux, par Bismarck. Le chancelier Bismarck était celui qui a vraiment manipulé la construction de l'Empire allemand, qui a parachevé l'unité allemande, qui a créé l'Allemagne politique au sens moderne, était un génie politique. Et l'empereur faisait ce qu'il lui disait, enfin pendant très longtemps, justement, il s'est fait virer, comme ça arrive au chancelier, ou au premier ministre, ou au président d'ailleurs. Bismarck a vu la Commune de Paris, elle a eu très peur. La Commune de Paris a été un mouvement révolutionnaire à deux niveaux. Ça a été un mouvement révolutionnaire patriotique contre une paix qui acceptait l'occupation de la France par l'envahisseur. C'était un mouvement révolutionnaire démocratique contre le Second Empire et toutes les classes politiques qui avaient supporté le Second Empire depuis sa création jusqu'à son... Et par conséquent, la Commune de Paris a créé un gouvernement révolutionnaire qui a duré très peu de temps, mais qui est extrêmement intéressant. C'est comme une expérience de laboratoire. C'est comme une explosion nucléaire. Il se passe énormément de choses, une explosion nucléaire, pendant quelques fractions de secondes, ensuite pendant quelques minutes, ça dégage de l'énergie. La Commune de Paris a mobilisé essentiellement à Paris, une grande partie du prolétariat parisien, suivi quand même dans un certain nombre de villes industrielles comme à Lyon, comme dans d'autres lieux, a mobilisé pour à la fois détruire le système du Second Empire sur le plan politique, pour établir la démocratie, et détruire le système capitaliste tel qu'il s'était développé dans la spéculation, la fraude, la corruption pendant toute la période du Second Empire. Et il a proclamé des choses extravagantes. La gratuité de l'enseignement pour tous les enfants, y compris pour les filles, un système d'allocation familiale, un système d'indemnité chômage. Pendant un siècle, en France, on va reconstruire lentement, partiellement, ce que la Commune de Paris avait proclamé en quelques semaines pendant la période révolutionnaire qui était contre les Versaillais et contre l'invasion allemande en même temps, etc. Et c'est un exemple d'une période où les droits sont proclamés. Et puis, ils n'ont pas été appliqués. Ils ont été appliqués quelques semaines. Et puis, les dirigeants ont été massacrés. Les foules ont été fusillées. La Seine était rouge en aval de Paris, tellement il y a eu de gens massacrés. On a fusillé à Versailles, dans les camps de prisonniers, etc. Ça a été un massacre. En France, la classe dirigeante a bien réglé son compte à la classe ouvrière. Pendant une génération, d'ailleurs, elle a été aperçue. En Allemagne, la situation est très, très, très différente. Il n'y avait pas un État centralisé en Allemagne. Il se constituait. Et Bismarck a cru comprendre qu'il fallait prendre les devants. Il ne fallait pas laisser les travailleurs s'occuper de leurs affaires. Il fallait combattre le socialisme en faisant le socialisme par en haut. Il parlait comme ça, en allemand. Oui, le socialisme par en haut. Et donc, il a dit, on va créer des lois sociales, on va contrôler la durée du travail, on va assurer les accidents du travail. Il a fait ça, il appelait ça le socialisme par en haut. C'était pas du tout socialisme, mais c'était par en haut. Il a créé les allocations familiales et comme un bon Allemand, alors ne croyez pas que je sois anti-allemand, moi je suis d'origine en partie allemande, en partie suisse, mon nom est un nom allemand en réalité. Pas très flatteur parce que Ox en allemand ça veut dire bœuf. Enfin, c'est comme ça. Il a créé un système rationnel. Et en Allemagne, le système de Bismarck existe encore, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a, comme en France, des juridictions pénales, il y a le tribunal correctionnel, puis une cour de cassation, comme en France. Il y a, comme en France, des juridictions judiciaires, civiles, pour régler l'état civil, les contrats, etc. Et tout ça, c'est l'ensemble des juridictions judiciaires, avec la cour de cassation, avec la chambre civile, la chambre criminelle, la chambre commerciale, la chambre sociale qui règle. En Allemagne, il y a donc un ordre de juridiction judiciaire. Il y a un ordre de juridiction administrative. Comme en France, nous avons les tribunaux administratifs, nous avons les cours administratives d'appel et le Conseil d'État. Et il y a deux ordres de juridiction sociale. Depuis Bismarck, les tribunaux du travail, Arbeitsgericht, il y en a 200 en Allemagne, avec dans chaque État, l'Allemagne est un État fédéral, qui est organisé en Länder, chaque Land a une cour d'appel du droit du travail, c'est la Landesarbeitsgericht. Et en haut, il y a une cour de cassation du travail, il y a Bundesarbeitsgericht, et dans le domaine social, et ça juge tout ce que le tribunal du travail, tout ce que les conseillers des prud'hommes font en matière de droit du travail, et il y a l'équivalent en matière de droit social, avec le Sozialgericht, le Landessozialgericht et le Bundessozialgericht qui font tout ça. Depuis un siècle, non, c'est pas Bismarck, Hitler, tout ça, non. Bismarck l'a créé, la République de Weimar l'a conservé, le système nazi l'a démoli, la République, après la guerre, la République fédérale allemande basée sur des constitutions démocratiques l'a restaurée et a conservé et constitué, élargi un système de juridiction sociale qui marche très bien et qui fait que jamais en Allemagne on verrait une affaire, non pas au prud'homme, ça s'appelle pas prud'homme, ça s'appelle Arbeitsgericht, durer 2 ans. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, il y a 2 fois plus de magistrats qu'en France. En Allemagne, il y a 2 fois plus de magistrats qu'en France. Proportionnellement à la population, il y a plus que 2 fois plus. Et il y a 2 fois plus de greffiers, 2 fois plus de personnel. C'est-à-dire la justice est 2 fois plus dotée en personnel pour rendre la justice. Donc la justiciabilité des droits en Allemagne est très supérieure à la France. Et la justiciabilité, c'est-à-dire la chance de voir appliquer le droit social, les allocations familiales, du chômage, des accidents du travail, est beaucoup plus forte parce qu'il y a un service public de la justice du travail, un service public de la justice sociale qui a les moyens de travailler et de fonctionner. Tout ça pour dire que la situation de la France où les juridictions sociales créent des situations choquantes, je vous ai parlé des retards de plusieurs années des tribunaux, des conseils des prud'hommes. Je pourrais vous raconter l'histoire d'erreurs judiciaires comme j'en ai vu se faire ou parfois y échapper devant des commissions départementales d'aide sociale. C'est un droit si compliqué, les gens sont si peu formés, les magistrats sont appliqués là pour peu de temps et on les met en attendant de faire autre chose. Et je raconterai l'histoire que j'ai vécue par hasard. Je trouve que dans un des bâtiments administratifs où créait la commission départementale d'aide sociale d'un département de la couronne parisienne, elle ne siégeait pas au palais de justice, elle siégeait dans un bâtiment de la préfecture, en fait, au 3e étage. Donc la liberté d'accès à ce tribunal, qui est une règle fondamentale de la justice, était bafouée. Pour entrer, il fallait pratiquement montrer ses papiers ou une convocation. Quand on était le public, comme moi, on avait du mal à entrer. Comme j'étais avocat, je suis entré sans trop de difficultés. Dans l'ascenseur, il y avait 2 vieux arabes, okay, moins vieux que moi quand même, mais enfin déjà assez âgés quand même, dont l'un était appuyé sur une canne, comme ça, tout tordu, tout. Et l'autre, il me reconnaît parce qu'il me connaissait, il m'a connu, je suis un peu connu, et il me parle. Bon, et en plus, je connais un peu l'Algérie, on bavarde. On entre dans la salle qui était la juge judiciaire, président, le tribunal administratif, s'appelant commission, étant composé de lui-même, d'elle-même, toute seule. Et puis les fonctionnaires de la préfecture qui étaient là, etc. Et il y avait 35 affaires au rôle. Mais une des fonctionnaires qui était là dit à la juge, qui venait d'arriver, un peu en retard d'ailleurs, voilà, il y a monsieur, peu importe, Bouteflika, disons, qui est là. Il est là, on pourrait prendre, si on a affaire au numéro 23, on pourrait le prendre tout de suite, parce qu'il est là. C'est très rare que les gens viennent devant la CDAS. En général, leur affaire est jugée au dossier. Et alors, la juge dit, bah oui, bien sûr, pourquoi pas, très bien, alors monsieur. Alors, elle s'adresse au monsieur qu'on montrait, qui était âgé, pas bien, il était appuyé sur sa canne, comme ça. Et une fonctionnaire rapporte l'affaire, c'était le problème d'aide médicale d'État. Est-ce qu'il avait droit ou non ? Et on y a droit quand on a eu des ressources dans une année inférieures à un certain plafond. Et le plafond, il est fixé en fonction d'un certain nombre de choses. Et on dit, ben non, ben, il a dépassé de 250 euros le minimum, donc il n'a pas droit. Alors l'autre, algérien qui était à côté, il dit, vous permettez, madame le juge. Et le juge lui dit, mais vous êtes qui, vous ? Elle dit, je suis l'avocat de monsieur. Ah, ben je ne peux pas le savoir, vous n'avez pas votre robe. Et alors le vieil Algérien regarde la juge, qui était habillée très élégante comme vous, mais pas de robe. Et il la regarde, il dit rien. Il la regarde, il la reluque comme ça. Alors elle se rend compte que. Elle était venue en vitesse là, pour siéger dans cette audience. Il n'y a jamais personne. Elle a pris sa robe. Elle dit, bon, alors qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, ben voilà. Certes, les ressources de M. Bouteflika sont à temps, mais cette année-là, il a reçu une indemnité spéciale pour telle ou telle raison de 750 euros. Donc, et il y a un article du Code de la Sécurité sociale qui dit que ce type d'indemnité ne doit pas être pris en compte. Par conséquent, il n'est pas en dépassement de 250 euros, il est au contraire en dessous de 500 euros. Le juge dit, ah bon, vous avez trouvé ça où ? Alors, l'avocat dit, là, madame, qu'est-ce que c'est ? C'est un extrait du Code de la Sécurité sociale. Ah bon ? Alors, elle le regarde, elle le lit soigneusement. Elle dit, ben merci, oui, en effet. Et les fonctionnaires qui étaient dans leur coin baissent le nez parce que... Et à ce moment-là, il y a eu cet épisode extraordinaire chez les fonctionnaires qui étaient un peu greffières, mais qui parlent, il n'y a pas vraiment de greffe, c'est ce qu'elle a dit. Bon, alors on attend le délibéré. Alors, elle allait délibérer avec elle-même et on imaginait la scène. On allait se lever pour se rencontrer avec elle et prendre la décision. Et comme moi j'étais là et qu'elle m'avait repéré quand même, on était devant la négation d'une justice où la contradiction, la collégialité, l'examen des pièces, la mise en état n'avaient pas eu lieu. Et s'il n'y avait pas eu cet Algérien bénévole, voilà encore un bénévole, cet Algérien, il faisait ça pour ses vieux copains, etc. Le gars, il perdait l'aide médicale d'État. Or, dans ce genre de justice, on ne peut pas en vouloir aux fonctionnaires, aux magistrats qui sont mis là-dedans. Parce que quand un magistrat qui est en instance de mutation, on lui dit, ah, oh là là, il y a la CDAS qui doit avoir lieu tel jour, et puis pendant 3 mois, vous pouvez faire ça pendant 3 mois, je vais y aller. Mais c'est un droit extrêmement compliqué. Moi-même, je n'oserais pas aller plaider devant une CDAS sauf avoir le dossier 15 jours à l'avance et de consulter 3 personnes. Quand quelqu'un, très compliqué, donc on ne peut pas. Donc elle s'en remet à qui ? Eh bien les commissions administratives, les fonctionnaires qui peuvent se tromper, etc. Et s'il n'y a pas une contradiction, eh bien il y a des erreurs judiciaires. Alors évidemment, ce n'est pas des erreurs judiciaires qui mettent les gens en prison ou qui leur coupent la tête, ce qui est généralement irréparable, ou qui les gardent en prison alors qu'ils devraient sortir, ou qui les... Ce sont des décisions, même d'une certaine façon, vous comprenez ? Bon, 40 euros de plus ou de moins par mois, pour beaucoup de gens, c'est pas grand-chose, c'est même rien du tout. Et puis, il y a une petite catégorie de la société, pour 40 euros de plus ou de moins par mois, c'est très important. Et une somme de 150 euros qu'on va prendre, c'est très important. Une fraction de la société vit dans des conditions si difficiles. Et qui est dans cette société ? Ce sont très souvent, d'abord, très souvent des femmes seules, avec des enfants, etc., ou des gens malades, très souvent des gens d'origine étrangère, d'origine post-coloniale, comme on dit, c'est-à-dire qui ne maîtrisent pas bien la langue, souvent des vieux travailleurs qui ont quand même travaillé chez Renault ou chez Citroën à Rennes pendant 30 ou 40 ans. Ils ne sont pas devenus pour autant ni maîtriser la langue française, ni docteur en droit, ni spécialiste en sécurité sociale. Donc ce sont des gens qui ont besoin d'une justice qui s'occupe d'eux, une justice qui s'occupe de poursuivre les criminels, c'est la justice pénale. Elle existe depuis des siècles. Une justice qui s'occupe de définir les droits des divorces, les droits des contrats, la propriété du sol ou des maisons. C'est ainsi, ça existe depuis des milliers d'années. Une justice qui s'occupe des droits sociaux, ça n'existe que depuis 100 ans. En Allemagne. En France, ça n'existe que depuis, par tranches successives, dans des conditions chaotiques, qui fait qu'on peut dire que la justiciabilité des droits sociaux en France n'est pas assurée. Elle n'est pas assurée. Elle n'est pas garantie. Bien sûr, ceux qui vont au Conseil des prud'hommes, dans les sections d'encadrement, et qui peuvent se payer un bon avocat, ils vont s'en tirer plus ou moins. Encore que, cadre ou pas cadre, celui dont la décision de licenciement a été annulée après 3 ans d'attente, s'il est complètement démoli psychologiquement, il sera aussi victime du mauvais fonctionnement des juridictions sociales. Mais la grande masse des gens, il faut aller voir, il faut entrer, s'asseoir et regarder, écouter aussi. Parce que dans beaucoup de ces juridictions sociales, il n'y a personne. Il n'y a que les dossiers, les papiers, les fonctionnaires et un magistrat qui fait que passer. Mais beaucoup de ces juridictions, quand on voit les gens qui y viennent, quand on voit les gens dont on parle, ce sont les gens qui sont vraiment, du point de vue social, du point de vue financier, du point de vue culturel, souvent aussi du point de vue psychologique, ce sont les gens les plus faibles. Ce sont pour eux que les lois sociales ont été faites. Et c'est donc pour eux qu'il faut que les juridictions sociales assurent la justiciabilité des droits sociaux. Sans ça, ce n'est pas la peine de proclamer des lois sociales s'il n'y a pas derrière une juridiction qui va l'appliquer. Et c'est un des problèmes de la France. Je dis de la France parce que j'ai étudié plus précisément l'Allemagne et la Belgique, mais j'ai aussi été en Suisse, un peu en Espagne. Dans les pays d'Europe démocratique, la France est très en retard dans ce domaine. Or, c'est peu connu. Pourquoi c'est peu connu ? C'est un peu comme, ça n'intéresse pas grand monde. Les chroniques judiciaires dans les journaux, je ne sais pas quel est le quotidien ici, c'est la République du Centre. La Nouvelle République. La Nouvelle République, Ouest France ou la Dépêche de Toulouse, font des grands articles sur les affaires criminelles, sur les affaires les grands braquages ou sur les grands escrocs, sur les grands drames, les grands crimes, même les grands accidents du travail comme AZF à Toulouse, etc. Là, quand c'est vraiment spectaculaire, énorme, qu'il y a beaucoup de morts ou qu'il y a beaucoup de millions, Alors là, on en parle. Mais les 500 000 décisions des juridictions sociales en France, il y en a très peu qui sont connues. Si, regardez la décision sur les Conti, vous savez, les pneus à Compiègne. Ou encore d'autres choses qui se passent à Amiens. De temps en temps, il y a des grandes décisions. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, quand il y a une masse de gens visés, des centaines de gens, alors ça prend un effet spectaculaire. Et en plus, quand ça se mêle à des considérations politiques, économiques, internationales, ce qui est l'affaire des continentales, ça fait réfléchir. La décision qui a été prise par le juge départiteur du Conseil des prud'hommes de Compiègne a consisté à donner raison aux Conti, comme on dit, c'est-à-dire aux, je crois, 750 ou 850, sur la base d'un raisonnement juridique extrêmement important, extrêmement intéressant et contesté. Hein. Il a dit non, Continental Aktiengesellschaft, qui est le groupe dominant de Continental, a gagné tellement d'argent dans les 3 dernières années que c'est pas parce que l'année dernière et l'année d'avant d'ailleurs, l'usine de Compiègne a perdu un peu d'argent qu'ils ont le droit de licencier cette entreprise. Que, là, vous rendez compte le droit à l'envers, vous rendez compte le droit qui dit le contraire du droit. Comment ? Je suis le patron, j'investis, j'embauche, j'achète du caoutchouc, je vends des pneus, je gagne de l'argent, tout va bien. J'embauche encore plus. Je perds de l'argent dans cette usine, eh ben je la ferme. J'en ai d'autres ailleurs. Le droit qui dit non, vous ne pouvez pas fermer une usine dans votre groupe international parce que là, elle a perdu de l'argent, alors que vous en avez gagné tellement pendant les années antérieures. Ça, vous rendez compte, quand je disais le droit du travail, c'est un droit qui dit le contraire du droit. De le départ, le droit du travail dit non. Le code civil dit le contrat fait la loi des parties. Eh bien non. Oui, mais sous certaines conditions qui vont naître par des luttes sociales au long du 19e et du 20e siècle. Et le droit du travail qui dit vous êtes licencié, c'est dommage pour vous, vous n'avez plus d'argent, il dit non. Le droit social dit non. il va y avoir une indemnisation du chômage. La société ne va pas laisser ces gars-là sans moyen de subsistance. Ou le droit, vous avez un enfant, deux enfants, trois enfants, cinq enfants, bah, c'est votre choix. Hein. Débrouillez-vous avec vos enfants, vous n'avez qu'à en faire moins. Le droit social dit non. On crée des allocations familiales, on crée des congés de maternité. On crée... Le droit social est un droit qui dit non à la logique de départ du droit libéral, du droit individualiste. Mais ce droit social, s'il n'y a pas des juridictions pour dire est-ce que la règle a été respectée ? La règle sert à quoi ? Eh bien, pour beaucoup de gens, la règle n'est pas respectée parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, parce qu'ils renoncent à y aller, parce qu'ils n'y vont pas. Quand ils y vont, ils ne comprennent rien. Quand ils y vont, ils ne comprennent rien. C'est une des grandes différences, d'ailleurs, en France, entre le Conseil des prud'hommes et les autres juridictions sociales, c'est qu'au Conseil des prud'hommes, il y a une présence collective. C'est un tribunal où il y a des représentants des syndicats de salariés. Ce représentant des syndicats de salariés, vous savez que les conseillers prud'hommes sont élus sur des listes syndicales, professionnelles d'employeurs ou de non-salariés et de salariés. Et donc, ça crée une situation qui est très complexe à analyser et sur laquelle il y a une discussion en ce moment en France très importante. C'est des juges. Ben non, ce n'est pas des juges, ils sont élus par des syndicats, c'est des syndicalistes. C'est des juges, ben oui, ils prennent des décisions de justice. Mais un juge, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un d'impartial. Un juge, on lui demande d'être impartial, au-dessus de la mêlée. Alors, il n'est pas impartial, il a été élu par le syndicat. Et en plus, il va venir, le type qui va se plaindre au Conseil prud'homme, il va venir assisté par son copain cégétiste ou CFDTiste, ou peu importe, ou FO. Et il y a justement un conseiller prud'homme du même syndicat. Donc ce ne sont pas des juges, ce n'est pas une justice. Ben, il n'y a qu'un malheur, c'est que c'est une justice qui fonctionne mal quand elle a peu de moyens, mais bien quand elle a des moyens. Quand j'étais étudiant en droit, il y a de ça très longtemps, 80% des affaires au prud'homme étaient réglées favorablement au stade de la conciliation. Parce qu'il y a trois stades dans le conseil des prud'hommes. On tente une conciliation. Si elle aboutit, l'affaire est réglée. Sinon, ça va devant le bureau de jugement. Et là, les quatre juges essaient de se mettre d'accord. S'ils n'aboutissent pas, il y a le phase de départition. Il y a un juge professionnel qui arrive et qui va prendre la décision. Bon. Autrefois, en France, il y a longtemps, il y a 50 ans, 80% des affaires étaient jugées en conciliation. Elles aboutissaient en conciliation. Aujourd'hui, c'est 20%. Mais aujourd'hui, en Suisse, en Belgique, c'est 80% qui marchent. C'est une question de moyens, une question de procédure. Je prends un exemple. Comment faire échouer une procédure en conciliation quand on est l'employeur poursuivi ? Parce que la plupart des affaires au prud'homme, 95%, c'est des salariés qui se plaignent de l'employeur. C'est comme ça. Mais l'employeur ne dépose pas les pièces en temps utile, demande des renvois, fait des manœuvres dilatoires, etc. C'est ça. En Belgique, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'en Belgique, il y a au tribunal du travail, il y a le président ou la présidente. Il a deux assesseurs, un peu comme dans nos conseils des prud'hommes en départition. Et il y a à l'autre bout de la table un gars ou une femme qui est un juge du travail, parce qu'il y a un corps des juges du travail spécialisé dans le droit social. Et il y a là l'auditeur du travail, c'est un parquet social. C'est comme le procureur de la République devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises, c'est un parquet social, c'est un magistrat spécialisé, un magistrat du travail spécialisé qui surveille que la procédure est bien suivie, qui surveille que les mises en état, qui surveille que les parties sont à égalité, qui surveille en particulier que les pauvres qui ont moins d'avocats ou pas d'avocats ne soient pas défavorisés par des procédures dilatoires, etc. Ça existe, c'est pas une utopie, ça existe. J'ai emmené des étudiants, des stagiaires à le voir, à Liège, à Bruxelles. En Allemagne, la procédure est encore plus forte puisqu'il y a une très longue tradition de juges spécialisés avec une organisation, c'est des carrières. Il n'y a pas question. En France, on va prendre un magistrat du tribunal de peu importe où, on va l'envoyer présider le CDAS pendant trois audiences pendant trois mois, etc. En Allemagne, en Belgique, c'est inimaginable. Être juge social, c'est un métier, c'est une spécialité. De même que dans un hôpital, sauf en cas d'urgence, on ne va pas envoyer un gynécologue pour réparer une jambe cassée, parce que c'est des spécialités assez différentes. Sauf qu'évidemment, n'importe quel médecin, sans doute, peut poser un plâtre. Mais on ne va pas prendre un ophtalmologue pour des varices. Bon. En France, on envoie n'importe qui dans certaines juridictions sociales faire pendant quelque temps quelque chose qu'il ne connaît pas. Je peux en parler en connaissance de cause. Moi, je commence à faire un peu de droit pénal depuis quelques années. J'ai fait du droit toute ma vie. Le droit pénal, ce n'est pas très compliqué. Et le droit pénal des mineurs, c'est encore plus simple parce que c'est quand même généralement de la petite délinquance et c'est simple. Je n'aurais pas peur de plaider devant n'importe quel tribunal pour mineurs, devant n'importe, même cour d'assises de mineurs, etc. Pourquoi ? Parce que je suis capable de le faire. Aller devant un conseil des prud'hommes dans une affaire comme l'affaire des Continentales ou par d'autres affaires, je n'oserais pas y aller tout seul. Je n'oserais pas y aller sans avoir travaillé avec d'autres, etc. C'est une spécialité compliquée, affûtée, d'autant plus que c'est un droit qui est un droit qui a des textes extrêmement compliqués, avec des barèmes, etc. Or, en France, on considère que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est une situation anormale, injuste, inéquitable, inefficace. Et si j'ai fait ce livre, c'est parce que j'ai constaté que c'était une question totalement ignorée. Or, on ne peut pas ignorer qu'une partie de la population qui est la plus pauvre, qui est la plus déshéritée, qui est généralement la plus mal logée, généralement qu'il y a les enfants qui vont le moins à l'école, le moins longtemps à l'école, dans les moins bonnes écoles, qui souvent a des problèmes sociaux qui sont compliqués par des problèmes familiaux, que ce sont eux qui sont les premiers bénéficiaires, les premiers destinataires des lois sociales. Et si les juridictions qui sont chargées de les protéger, de leur assurer le respect de la loi, fonctionnent mal, alors c'est toute une dimension de la démocratie qui est mise en cause. Parce que, je terminerai là-dessus, de même que dans la justice des mineurs, j'ai été frappé de voir un certain degré de férocité envers la jeunesse, envers l'enfance. Mais les délinquants mineurs, on ne les voit pas souvent dans des grandes affaires de fraude fiscale, par exemple. Vous voyez ? J'en ai jamais entendu parler, mais ça existe peut-être. Mais ça fait, on ne voit pas ça souvent dans les journaux, hein. Quelques milliards d'escroqués à... Non. En revanche, dimanche dernier, j'ai vu arriver, j'étais de permanence au tribunal pour enfants de Paris, dimanche dernier, à 17h, j'ai vu arriver un môme de 14-15 ans, un jeune Marocain, un jeune Français, de parents marocains, tous les deux ayant un métier, la mère était là. Il est arrivé à 17h devant le juge, qui en était d'ailleurs... Le vendredi soir, avant-veille, il avait tenté avec un de ses copains de forcer un distributeur automatique de boissons pour piquer une canette de Coca-Cola ou peu importe. Il n'avait pas réussi, il y avait une alarme, il s'était barré, le copain a été pris, a été arrêté. Les caméras de vidéosurveillance ont permis de repérer qu'il y en avait un autre, ils ont trouvé. Le samedi matin, ils ont repéré qui c'était, l'autre. Le samedi matin, la police est arrivée chez ses parents, a demandé à la dame, voilà la photo d'un garçon qui a piqué, qui a tenté, une tentative de vol, piqué une canette hier soir à tel endroit, vous connaissez, il s'appelle un tel, il dit oui, c'est mon fils, il est là, il dort. Il a été embarqué, il a été emmené au commissariat, du commissariat, le parquet l'a fait conduire au dépôt, il a été mis au dépôt, c'était un sous-sol là, du palais de justice à Paris, il a passé la nuit au dépôt, il a passé la matinée au dépôt, il a bouffé un sandwich comme tout le monde à midi, il a passé l'après-midi au dépôt, et à 17h quand on l'a amené devant le juge pour avoir tenter en vain de piquer une canette, ce qui est très mal, mais penser que ce gosse a été mis en tôle quand même pendant 24 heures, pendant 35 heures, c'est possible, c'est pas possible, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a... Or, il y a une disproportion dans ce domaine. De même, quand on apprend les grandes fraudes à la sécurité sociale par les entreprises qui emploient des travailleurs déguisés, qui font chanter des travailleurs étrangers qui sont passés sur la rivière, qui se dispensent de toute prestation, etc. Quand c'est découvert, quand c'est poursuivi, quand l'inspection du travail, quand un inspecteur du travail fait un procès verbal, etc., l'affaire, elle aboutit très lentement, généralement par des transactions avec le chantage au licenciement. Donc il y a une très grande inégalité dans l'application du droit pénal, il y a une très grande inégalité dans l'application du droit social, et c'est une question d'intérêt général, politique, mais plus que politique, d'intérêt social, presque moral. C'est-à-dire que la France n'a pas été le pays des droits de l'homme au XIXe siècle ou les a développés au XXe siècle à part le programme du Conseil national de la Résistance qui énonce un certain nombre de droits fondamentaux qui sont des droits sociaux, pour ensuite considérer qu'une fois qu'on les a proclamés, bon, ben, c'est bon comme ça, et s'ils ne sont pas appliqués, bon, c'est regrettable, c'est dommage, mais après tout, ça concerne des gens qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas beaucoup, etc. Et c'est pour ça que, en effet, je fais ce genre de réunion ou de conférence dans un public comme le vôtre, pour que ça se sache, pour que ça change, et ça suppose que surtout des gens plus jeunes se disent que ça peut changer, que ça va changer, à condition que les Français le veuillent. Merci de votre attention. Grand merci. Très grand merci. Pierre Jox, ça marche pas ? Après avoir eu un parcours comme le vôtre, d'avoir pris la robe d'avocat pour parler au nom des sans-voix, au nom de ceux qui n'ont jamais la parole, au nom de ceux, et vous le montrez très bien dans votre ouvrage, qui font des kilomètres parfois pour se rendre devant une de ces juridictions obscures, dans des lieux très difficiles à trouver parce qu'ils ne sont pas dans ces palais dits de justice. Merci d'avoir pris la parole pour eux et de leur rendre quelque part leur dignité. J'ai été particulièrement sensible puisque j'ai exercé pendant 40 années le métier d'avocate. J'ai déposé ma robe quand vous avez pris la vôtre et je suis particulièrement sensible à ces problèmes de justice, de proximité, où on doit, c'est vrai, se battre, quand on est avocat, constamment, pour faire respecter les droits. Et le problème fondamental sur lequel vous insistez dans votre ouvrage, et dont vous direz sans doute quelques mots tout à l'heure, c'est celui de l'accès aux droits, car beaucoup de personnes ne vont pas réclamer leurs droits en justice. Pourquoi ? Parce que il faut y aller, il faut s'expliquer et il faut généralement un avocat pour construire un dossier, notamment devant cette justice prud'homale où il est tout de même périlleux de se présenter tout seul. Le droit du travail est comme le droit de la sécurité sociale, très technique et il faut bien le connaître pour pouvoir se battre contre les avocats des employeurs qui, eux, sont parfaitement au courant des textes, des jurisprudences, etc. J'ai vu et j'ai été émue de voir que vous dédiez votre ouvrage à Maître Étienne Grumbach, dit Tienno pour tous ceux qui l'ont côtoyé, qui a formé des bataillons de jeunes avocats travailliste comme lui, pour aller défendre devant les conseils de prud'hommes de Paris, de la région, et puis la région parisienne, la Grande Couronne, la Petite, mais aussi dans toute la France, devant les conseils de prud'hommes, précisément, Tienno Grumbach nous a quittés en août 2013. Et c'était un avocat qui était au syndicat des avocats de France, ce syndicat qui est à l'origine de ces procédures devant le tribunal de grande instance de Paris dont vous nous avez parlé tout à l'heure pour réclamer des dommages d'intérêt au nom de dizaines de justiciables qui avaient attendu une année, voire plusieurs années, leur jugement et qui et l'État a donc été condamné, comme vous nous le dites, à payer des dommages d'intérêt. Et je voudrais terminer, avant de vous donner la parole, parce que je suis sûre que vous avez de nombreuses questions à poser à Pierre Jox, je voudrais terminer sur l'exception tourangelle en matière de prud'homme. Je crois qu'il y a eu des personnes qui ne sont plus, mais dont j'ai envie de parler, qui ont fait que le Conseil de prud'homme de Tours a toujours été dynamique, à l'écoute de ses salariés, qui venaient pour demander des dommages d'intérêt suite à un licenciement, des congés payés, des salaires, etc. Ces hommes-là, ils s'appellent Philippe Brossillon, qui nous a quittés aussi il y a quelques années. Merci. Joseph Joubert également. Hein, ce n'était pas le même syndicat, mais vous en avez bien d'autres. Je pense aussi à M. Paris. Vous avez beaucoup de personnes comme ça qui ont fait que le Conseil de Prud'homme, il n'acceptait pas justement qu'il y ait des renvois dilatoires. Il n'acceptait pas que la partie la plus faible, salariée, soit traitée, maltraitée par un employeur avec son avocat quand la partie salariée était seule. Il veillait à cette égalité des armes. Il veillait, et c'est ça qui est très important, dès l'audience de conciliation, il veillait à ce qu'il y ait une véritable instruction du dossier. C'est-à-dire que lorsqu'un employeur licenciait pour motif économique, c'est à l'employeur de prouver la réalité du motif économique. Et l'employeur a un délai pour déposer ses pièces au greffe du Conseil de Prud'homme. Mais il le faisait rarement. Pratiquement jamais, jusqu'à ce que justement les personnes dont je viens de parler exigent que les pièces soient déposées, exigent la production de ce fameux registre des entrées et des sorties du personnel, et pas seulement pour la boîte qui se situe à Tours, mais pour le groupe à l'échelon national, international. Ce sont des gens qui ont exigé la production de ces pièces très importantes pour comprendre, pourquoi le licenciement est intervenu s'il était motivé par une cause réelle et sérieuse, si la cause économique était réelle et sérieuse. J'ai envie, mais je poserai peut-être ma question tout à l'heure, à moins que je vous la pose tout de suite, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser une question dans la salle ? Oui, là, à la fin de votre intervention, vous montriez que vous faisiez ces interventions pour que l'opinion publique se mobilise. Hein. Donc, vous faisiez une pression par le bas, si je veux dire, pour le changement de vision de la juridiction sociale. Alors, aujourd'hui, il y a les élections européennes. Alors, je voudrais vous demander si l'Europe peut être un levier, parce que la Cour souvent condamne la France pour certains manquements, etc., à certains de ses devoirs. Est-ce qu'au niveau de l'Europe, il y a une possibilité, qu'il y a un levier pour l'évolution du droit social en France et de sa façon de considérer, d'une part, et d'autre part, à l'échelon français, puisque vous êtes un métier éminent, dans le gouvernement actuel, il y a des gens qui sont sensibilisés à ce que vous dites, et est-ce qu'il y a un projet pour justement simplifier le droit social et également l'encourager pour qu'il soit plus accessible à tout le monde. D'abord, je voudrais vous préciser que je ne suis pas un homme politique. Je suis peut-être éminent, ça c'est à vous de juger, mais je suis professionnellement magistrat. J'ai passé plus de temps dans ma vie professionnelle que dans la vie politique. J'ai été parlementaire pendant 20 ans, ministre occasionnellement. Donc je ne suis pas un homme politique, je suis un magistrat qui a fait de la politique pendant quelques années. Deuxièmement, j'ai des relations personnelles avec les membres du gouvernement. J'ai quitté la vie politique volontairement il y a plus de 20 ans. Et j'observe depuis 2 ans, dans un certain nombre de domaines que vous venez d'évoquer, il n'y a pas d'action menée comme il convient. Et certaines même qui se préparent, concernant par exemple l'élection des conseillers prud'hommes, est une grave erreur si elle est accomplie. Comme il se trouve que je connais le nouveau ministre du Travail, peut-être que je le convaincrai, j'en sais rien. Mais ce n'est pas moi qui compte là-dedans. Vous parlez de l'Europe. Bon, personnellement, j'ai voté contre la prétendue constitution européenne parce que je pensais qu'elle était malvenue, mal orientée et qu'elle n'avait pas de chance. Les Français ont voté contre et malheureusement, le gouvernement français n'a pas tenu compte de ce vote négatif du peuple français, qui était un vote éclairé. Or, comment fonctionne l'Union européenne aujourd'hui? Elle fonctionne sur un modèle libéral. Le modèle libéral, entre autres, il passe sur l'idée de libre circulation des travailleurs, sur le système des possibilités de détachement. Il organise par conséquent une concurrence sauvage, un dumping social inévitable. Il y a des chantiers entiers en France qui sont menés avec des bataillons de travailleurs étrangers qui sont payés 2 fois moins, voire 3 fois moins qu'un travailleur français que par le SMIC, qui ont des garanties sociales 2 ou 3 ou 4 fois inférieures et parfois aucune. Et par conséquent, c'est une négation de tout progrès social puisqu'on aligne vers le bas. Deuxièmement, le principe même de la libre circulation. Vous vous rendez bien compte qu'il y a une contradiction entre le contrôle de la présence, la légalité de la présence d'un travailleur en France et le principe de libre circulation. Vous comprenez bien que à l'intérieur même du droit libéral de l'Europe, il y a l'affirmation d'un libéralisme comme régulateur du marché, alors que le droit du travail est un droit qui affirme que ce n'est pas le marché qui sera le régulateur, en tout cas dans les relations sociales. Parce que quand c'est le régulateur du marché, quand c'est le marché qui est le régulateur, on sait très bien ce qui se passe. L'industrie textile prospère, qui existait en Angleterre au XIXe siècle, avec des enfants qui étaient exploités comme les héros de Dickens. Bon, mais ça marchait très bien. Il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient. C'était très dommage pour les enfants. C'était finalement un soulagement pour les familles, parce que ces enfants n'avaient plus besoin de les nourrir. Mais ça marchait très bien. Ça a développé une industrie très, très prospère. Eh bien, l'industrie textile du Bangladesh, où il peut y avoir 1000 morts dans un accident d'une usine, où il y a 1000 morts, etc., ça marche très bien. Et votre t-shirt, je ne sais pas, enfin, pas un t-shirt, mais votre chemise, ou la mienne d'ailleurs, viennent peut-être d'usines textiles de ce genre. Et dans la plus grande indifférence, la population française qui s'est battue pour des droits sociaux ne mesure pas à quel point le marché international et le libéralisme international organisent la concurrence entre les travailleurs et organisent l'exploitation des uns par les autres. Par conséquent, pour ce qui me concerne, non, je pense que le fonctionnement actuel de l'Europe libérale n'est pas favorable à l'égalité. Il n'est pas non plus favorable au développement, et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on peut dire, bon, un développement formidable comme en Chine, avec 7% de croissance, ça développe des inégalités, il y a de plus en plus de milliardaires chinois, bah, tant mieux pour les milliardaires chinois, mais par ailleurs, il y a de plus en plus de Chinois qui mangent à leur faim, de plus en plus de Chinois qui sont soignés, etc. Le problème de l'économie que nous traversons actuellement, c'est qu'elle repose largement sur l'utilisation, un peu comme du temps de la colonisation. On a beaucoup utilisé de main-d'œuvre et de produits qui étaient récoltés dans des conditions. Quand l'anthracite du Tonkin n'était pas cher, quand le cacao du Sénégal n'était pas cher, quand les bananes des pays pauvres d'Afrique n'étaient pas chères, c'était pas cher pourquoi ? Parce que les travailleurs n'étaient soit pas payés du tout sur des terres expropriées, soit payés très peu. Donc ce problème d'utilisation des rapports entre les main-d'œuvre et des pays riches comme le nôtre et des pays en développement, comme on dit, il repose en effet sur une problématique générale que nous avons connue en France, à savoir, est-ce qu'il y a des limites à la possibilité d'exploitation de l'homme par l'homme ? Quand il n'y en a pas, regardez, d'après ce que je lis, je suis ça dans certains journaux, il n'y a aucune suite pénale à l'affaire de cette effroyable catastrophe qui s'est passée où un millier d'ouvrières du textile ont été ravagées dans ces événements. Aucune suite. Et même pas une seule entreprise de celles qui font là-bas faire des chemises, des t-shirts, qui a pris quelques mesures que ce soit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est accepté. Ça veut dire que l'opinion publique l'accepte. Je ne porte pas un jugement moral. On l'accepte. Alors, je connais ça. Quand j'étais jeune, je me suis battu contre les guerres coloniales. On était très isolés à se battre contre les guerres coloniales. On nous traitait même d'être des mauvais Français. On était l'anti-France. Et quand on critiquait la torture, quand on condamnait la torture pendant les guerres coloniales, on était traité de mauvais Français, etc. Donc, il y a un problème d'opinion en France à l'égard de ce droit social qui, au fond, une partie de l'opinion française accepte, très bien, je ne dis pas très bien, accepte, ne se soucie pas du fait que la vie du pays repose en partie, sur la situation très inégalitaire de couches sociales très défavorisées, pour la plupart, en grande partie, originaires de populations postcoloniales, et en partie encore de l'exploitation de travailleurs très éloignés, dont on entend parler de temps en temps, parce que des catastrophes minières, comme la France en a connu à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, en Chine, il y en a 3 par an. Bon, alors vous direz, c'est leurs affaires, et les peuples font leur histoire. Mais on est quand même dans une situation où l'Europe est un laboratoire de démonstration du fait que, en effet, on utilise la main-d'œuvre d'origine étrangère avec ses droits pour faire pression sur les salaires en France. Il faudrait une autre soirée, et peut-être que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est une problématique qui ne se limite pas au droit. Je veux dire par là que les conditions d'exploitation... Bon, voyez, par exemple, l'affaire AZF à Toulouse, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle plus beaucoup. Alors, l'enquête que je connais, et j'ai connu des avocats de Toulouse qui ont travaillé là-dessus, etc., montre très bien qu'il y a eu une attitude criminelle des responsables de AZF. Donc, il n'y a pas eu de poursuite pénale. Dans une des affaires que je traite, des petites affaires que je traite dans mon livre, on voit très bien qu'il y a une hésitation à poursuivre pénal. C'est une chose que je n'ai pas développée. C'est le droit du travail, le droit social. Dans le droit du travail, il y a ce qu'on appelle le droit pénal spécial du travail. Parce qu'il y a un droit pénal du travail. Ne pas faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité, ne pas prendre des précautions concernant les machines dangereuses, ne pas assurer les conditions de ventilation devant certains produits, ne pas mettre à l'abri les travailleurs de l'amiante ou de certains produits différents. C'est poursuivi par la loi, mais c'est condamné combien de fois ? Très rarement. Très rarement. Donc il y a une acceptation en quelque sorte fataliste dans l'opinion française de cette inégalité qui se poursuit. Alors, évidemment, ce n'est pas la situation de catastrophes minières du 19e siècle. Elles ont lieu ailleurs. Mais d'une certaine façon, les affaires de l'amiante, les affaires AZF de Toulouse, relèvent de la même état d'esprit. Or, le droit pénal du travail, c'est très mal vu. En Belgique, j'y reviens, l'auditeur du travail, il est à la fois devant le tribunal du travail pour défendre les droits des travailleurs, et il va être parquet au pénal pour aller poursuivre l'accusation. Et ça, c'est une dimension qui... Enfin, pour répondre à des questions, une question emmène à parler d'autre chose, donc je me tais pour la prochaine question. Et vous pouvez lire mon livre, hein, aussi. Oui, monsieur. Oui. Oui, toutes les juridictions devraient être accessibles à tout public. Alors, les gros, c'est pour vous entendre. Toutes les juridictions, notamment les juridictions sociales, devraient être accessibles au public, ne serait-ce que pour reposer quand vous alliez apprendre. Justement, alors, quand on ne veut pas accéder, qu'est-ce qu'on peut faire ? Elles sont difficilement, mais elles sont quand même accessibles au public. La preuve, j'y suis entré. Alors, c'est pas très commode. Bon, faut les trouver, faut entrer. Mais il est vrai que si elles étaient dans les palais de justice, elles relèveraient du droit commun. Ah, merci beaucoup. Je suis désolé. Dans un palais de justice, la règle, c'est que l'audience est publique. L'exception, c'est le huis clos. Mais c'est une exception. C'est motivé. Bon. L'autre exception, c'est le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants, il y a la publicité restreinte. Tout le monde ne peut pas entrer. Pour des raisons qui tiennent à protéger l'identité et l'avenir de l'enfant qui va peut-être poursuivre. Alors, pour les juridictions sociales, les conseils des prud'hommes sont publics. Et on y accède couramment, facilement, parce que les conseils des prud'hommes, même si ce n'est pas dans le palais de justice, c'est généralement un lieu connu. Il y a une assistance syndicale. C'est très important, ça, dans le droit social. C'est le rôle des représentations syndicales. Le droit social est un droit des luttes sociales. Le droit social est un droit de l'action syndicale. Les participants à la justice sociale sont beaucoup d'origine syndicale. C'est comme ça. Alors, ça déplaît à certains, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça dans tous les pays. Hein, dans tous les pays démocratiques, ce n'est pas une manie française. Bon. Et l'assistance, la possibilité d'entrer et de voir, elle est parfaite dans les pays où le TAS siège au palais de justice. À Melun, par exemple, le TAS siège dans le palais de justice, tout le monde peut entrer, etc. Les CDAS, là, c'est le pire, parce qu'elles sont dans des... Mais d'une certaine façon, c'est tellement difficile à comprendre que, cela dit, un journaliste spécialisé, vous êtes journaliste, hein? Pour vous preniez des notes comme un fou, je pense que c'est existant. Un journaliste spécialisé, s'il va devant une audience du TAS, etc. Là où c'est plus compliqué, c'est le TCI, le tribunal du contentieux de l'incapacité. Moi, j'y suis entré dans plusieurs villes, à plusieurs reprises, j'en ai vu pas mal d'audiences. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement troublant, parce que c'est une justice très, très curieuse. Parce que d'une certaine façon, comme ça fonctionne, le médecin expert, c'est comme ça que ça se passe, dicte son rapport au dictaphone. Et donc, d'une certaine façon, on assiste à une absence de délibération. Puisque l'expert, donc moi j'ai été magistrat pendant une grande partie de ma vie, les juges prennent des décisions en écoutant des témoins, en écoutant des rapporteurs, en écoutant des points de vue, etc. Et en écoutant des experts. Ah, monsieur, c'est un faux papier. Ah, monsieur... En anglais, ça veut dire ça, et en chinois, ça veut dire ça. Ah, monsieur, ADN de tel ou tel. On envoie les experts. Quand l'expert dit, en chinois, ça veut dire ça, moi, je ne peux pas dire le contraire. Bon. Mais l'expert médecin, l'expert, on l'écoute, et on va juger en fonction de ce qu'on croit. Dans le TCI, le médecin expert dicte son rapport. Son rapport n'est pas la décision, mais il dicte son rapport devant le président et les assesseurs et le requérant et l'avocat et le greffier. Et son rapport comporte une proposition. Et comme il est le seul expert, la puissance de la dictée de ce rapport fait que, en vérité, c'est très rare qu'on s'en écarte. Donc, d'une certaine façon, l'expertise, le pouvoir de décision juridictionnelle a été délégué à l'expert. Et on peut dire, ben c'est normal, il est médecin, lui, il sait. C'est normal. Sauf que, je l'ai vu fonctionner aussi, ça. Vous avez cette bonne femme de Bordeaux, par exemple, cette vieille dame, enfin, qui est une forme. Elle, ça ne se passe pas comme ça. Elle écoute l'expert. Il dit que son truc. Elle fait des délibérés vrais. Tout le monde sort. Ah oui, elle fait sortir tout le monde. Et ça délibère. Alors, 98 fois sur 100, on va reprendre le rapport de l'expert. Mais il y a les 2 fois sur 100 où elle délibère, etc. Et ça, c'est un des problèmes de cette justice-là. C'est que il y a quelque chose qui est difficilement exprimable. C'est que, certes, tous les barèmes sont prévus. Vous comprenez ? On voit comment on mesure la capacité humaine. Hein ? Vous savez comment ça se passe ? Eh bien, on vous fait dire qu'on... asseyez-vous. Comment vous asseyez quand vous avez 6 ans, vous asseyez. Levez-vous. Bah, moi, je vous adieu, je me lève. Comme ça. Celui qui se lève comme ça, ou celui qui se lève comme ça, ou celui qui... Bon. Ça fait des points, mais il y a aussi de lever la jambe, poser le pied, faire une pression, tirer sur quelque chose, souffler en quelque chose. Et tout ça, ça entre dans des barèmes qui vont ensuite être appliqués à des taux d'incapacité supposés, etc., qui vont être comparés avec des témoignages de vie courante, etc., et qui vont ensuite être appliqués à des barèmes, soit d'argent, soit de temps, ce qui revient au même, parce que le temps payé est un temps... etc. Et ça... c'est très problématique. Et c'est en vérité quelque chose qui est très, sur le plan philosophique, très intéressant. On comprend très bien que la responsabilité d'un individu soit engagée quand il a commis un dommage. Donc quelqu'un qui commet un délit, on doit le condamner. À quoi ? Ah ben ça, quel est l'intérêt ? Il faut condamner à mort, à la prison, à une amende ou à une... On comprend très bien que celui qui a volé, il doit... On comprend aussi très bien que celui qui est malade, on doit le secourir. Pourquoi est-ce que celui qui a un handicap très grave a le droit d'espérer se rapprocher d'une vie normale en sachant qu'il n'y arrivera jamais? Le mec qui a perdu 2 jambes, c'est pour toujours. Non, non. Il y a des jambes mécaniques, il y a des gens qui arrivent à faire que finalement, ils arrivent à marcher, ils arrivent à conduire leur bagnole, etc. Mais jusqu'où ça peut aller? Parce qu'il faut bien voir que l'évolution de la médecine... tellement extraordinaire qu'il y a maintenant des dispositifs qui permettent aux aveugles de voir. En branchant sur le cerveau des dispositifs électroniques, il y en a qui arrivent à permettre de discerner des formes, d'autres qui arrivent à discerner des lettres, et par conséquent, si on projette ça dans le temps, effectivement, on arrivera à faire ça. Mais c'est un coup tel que personne n'a jamais envisagé, n'a jamais imaginé le coup que peut représenter certaines opérations ou certains examens, les scintigraphies, les opérations à cœur ouvert, etc. Et là, on se trouve devant une espèce de contradiction entre l'affirmation éthique, tout le monde a le droit d'être soigné, pas tout le monde a le droit d'être guéri, mais tout le monde a le droit de recevoir les meilleurs soins pour avoir les meilleures chances d'être guéri. Et puis, la situation économique, à savoir que certains progrès scientifiques, sauf miracle, ne peuvent pas être donnés à tout le monde. Pourquoi ça mène à des choix terribles? Ben, on va soigner les gens, oui, sauf ceux qui sont inguérissables. On va soigner les vieux, oui, sauf ceux qui sont trop vieux. On va soigner les enfants mal formés, sauf ceux qui sont vraiment trop mal formés. Or, c'est quelque chose qui existe dans une médecine que j'ai un peu connue, c'est la médecine militaire. La médecine militaire, elle repose sur le triage. Le triage, ça veut dire... bon, il y a des morts, des blessés. Bon, les morts, on les enterre quand on a le temps. Les blessés, on les trie. Il y a ceux, c'est pas grave. On s'en occupe pas. Il y a des infirmiers qui vont leur mettre des pansements, leur donner de l'aspirine ou de l'opium ou de la morphine, etc. Il y a ceux qui sont, pour ainsi dire, morts. On pense qu'on n'arrivera pas à les sauver, mais on va s'occuper de ceux qui sont dans le tiers central. Une fois qu'on aura fini de s'occuper de ça, on va voir si on s'est bien occupé de ceux qui étaient tués. Après, on va s'occuper de ceux qui sont le dernier truc. Et quand on fait ça, après tout, pourquoi pas faire le contraire? Pourquoi pas dire on va s'occuper de ceux qui risquent de mourir? Pourquoi? Parce que la médecine militaire est une médecine fonctionnelle qui correspond à récapaciter, à resituer, à recréer une force combattante. Donc la médecine militaire doit reconstituer la force de travail, la force de combat. Or la médecine du travail pendant très longtemps, la médecine des mines, la médecine de caisse, comme on disait, elle avait un comportement un peu de la médecine militaire. Il s'agissait de guérir les gens. Moi, quand j'étais jeune magistrat de la Cour des comptes, j'ai contrôlé un hôpital de Lens, l'hôpital de la silicose. J'étais horrifié, j'ai fait un rapport là-dessus. Pourquoi? Parce que là-bas, ils traitaient, il y avait des gens, bon, on va pas abréger leur souffrance, comme on dit, on ne les tue pas, mais on va alléger leur souffrance. Et il y en a un certain nombre qu'on va essayer de soigner. Et il n'y avait pas une même attention à l'autre problème, c'est qu'on arrête d'exploiter ceux qui fabriquent des silicosés. Aujourd'hui, le problème ne se pose plus, il n'y a plus de mine de charbon en France. Mais donc, les problèmes du soin, le problème de l'allègement de la souffrance, le problème de la prolongation de la vie, et ça, les tribunaux du contentieux de la capacité sont tellement là-dedans que d'une certaine façon, on peut dire que ça peut être gênant que ce soit public. Et on pourrait appliquer la même règle que pour le tribunal pour enfants, c'est-à-dire on veut préserver l'intimité, la personnalité de celui qui est là et qui est un être humain, mais qui est un être humain tellement fragile, tellement handicapé, tellement différent de la moyenne standard qu'il a droit à un statut spécial. En revanche, les tribunaux classiques, CDAS et TAS, alors là, il y aurait tout intérêt à ce que ce soit public, et il y aurait des journalistes. Vous lisez de temps en temps la rubrique dans le Canard enchaîné de madame, je ne sais plus comment elle s'appelle, Simonneau, formidable, tout petit article, ça. De temps en temps, bon, elle est claire. Il y aurait ça devant les tribunaux sociaux, ça vaudrait la peine. Mais je crois que vous étiez journaliste, moi, quand je vous voyais gratter. Vous nous exprimez avec clarté et passion la compétence ou les incompétences, me permettrait de dire, de ces différents tribunaux de la justice sociale. Moi, il m'évoque une question préalable, qui est que pour oser aller s'adresser à ces juridictions, il faut d'abord identifier qu'on a un problème, il faut identifier le nœud. Et il me semble qu'une des grandes difficultés d'aujourd'hui, c'est que nous ne connaissons pas nos droits, donc nous ne savons pas forcément que nous n'avons pas reçu le droit qu'il faut, et comment identifier où est le nœud. Donc il y a certes différents professionnels dans ces métiers, il s'avère que je suis travailleur social, je passe mes journées à identifier des nœuds et à essayer de dire aux personnes le problème, il est là. Mais avant de construire le dossier tel que vous l'évoquez, il faut identifier le nœud. Ben oui, mais confronté à également une telle quantité de conditions d'accès au droit, on s'y perd. Et les règles changent. Et dans les années précédentes, quand je me suis formée, on nous disait toujours qu'un droit acquis est acquis, et si la loi change, lorsqu'elle est acquise au mois de janvier, si elle change en juillet, les droits acquis d'avant ne sont pas perdus. Mmh. Bah aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On nous dit ah oui, mais c'est changé depuis 3 mois. Mmh. Ah oui, c'est changé depuis 2 mois. Mais vous faites la question et la réponse, parce qu'en effet, non, je veux dire, il est vrai que les travailleurs sociaux, au sens large, ont un rôle très important dans la mise en pratique des droits sociaux. Je raconte dans mon livre l'histoire d'une dame qui est arrivée avec deux enfants sur les bras et l'autre à ses côtés, traverser la France pour venir devant la cour d'appel d'Amiens, cour d'appel contre une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, à tort. Elle est venue à tort, elle n'avait pas de raison de faire appel, elle a été mal aiguillée, mal orientée, et donc elle a perdu une journée ou deux de temps, de fatigue, de travail, parce que les services sociaux locaux ne l'avaient pas informée, ne l'avaient pas aiguillée. Mais les juridictions sociales, je n'ai pas dit leur incapacité, souvent ce sont des gens qui ne sont pas formés, on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui n'a pas été formé de remplir une mission, c'est très difficile pour un magistrat de dire « non, je n'irai pas, je ne vais pas présider ça parce que je ne sais pas ma compétence ». Beaucoup passent du temps à expliquer et beaucoup passent du temps à essayer de former les fonctionnaires qui sont en dessous. c'est un service public qui manque de moyens. Je ne dis pas qu'il a zéro moyen, il n'en a pas assez, il n'a pas assez formé, etc. Ça se soigne, ça se traite. Des politiques, des grandes politiques publiques qui mettent 20 ans ou 30 ans, c'est courant. Quand la Troisième République est née, la France était à peu près analphabète. Il a fallu 30 ans pour construire des écoles communales dans toutes les communes, des écoles normales d'instituteurs dans tous les départements et d'institutrices. Et fait des grandes politiques publiques, elles mettent très longtemps à se faire. Entre le moment où on a décidé d'avoir une arme nucléaire et le moment où on l'a eu opérationnelle, il s'est passé 30 ans. Des grandes politiques comme ça, c'est très long. Est-ce que les juridictions sociales ont jamais en France reçu ce soin? Non. En Allemagne, oui. En Suisse, oui. En Belgique, oui. Donc c'est un problème français. On est à cet égard en retard. Quelqu'un tout à l'heure a parlé des condamnations de l'Europe. En effet, la France est très souvent condamnée par les instances européennes. Bon. Alors, par quelles instances européennes? Là aussi, il faut bien voir qu'il y a la Cour de justice des communautés de l'Union européenne, et puis il y a la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont, vous savez, dans le Conseil de l'Europe, actuellement, par exemple, la commission des droits de l'homme du Conseil de l'Europe va être présidée par le représentant d'un pays que je ne nommerai pas, parce que je ne vais pas faire un incident diplomatique, mais qui est un pays tyrannique où il n'existe aucun droit de l'homme. Donc on a des institutions internationales comme ça qui créent des situations bizarres. Mais en France, le droit social n'est pas diffusé, est peu connu, et les services sociaux qui ont cette mission le font autant qu'ils peuvent, mais ça fait partie de la justiciabilité. Connaître son droit, savoir comment le faire valoir. Donc, mais vous connaissez parfaitement la réponse. Monsieur, à quelle heure vous fermez votre université populaire? On est hors du délai raisonnable. Vous avez dressé le bilan de la justice française en matière sociale. Je m'attarderai sur le cas des conseils de prud'hommes. À partir du moment où on a une ordonnance de conciliation, avant tout procès, est-ce qu'on n'a pas fini par verrouiller le débat dans une optique donc, de conflit à l'intérieur d'une juridiction? Est-ce que la question, ce ne serait pas plutôt de chercher à replacer les travailleurs au centre du problème, essayer d'identifier leurs attentes, à savoir la plupart du temps être reconnus comme victimes? Est-ce qu'on n'a pas fini par les instrumentaliser en les faisant jouer une pièce à l'intérieur d'un procès? Tout à l'heure, vous avez entendu dire ce qu'il y avait d'original dans la pratique du Conseil des prud'hommes de Tours, et ce qui a été recherché, professé par beaucoup de gens, c'est-à-dire que le stade de la conciliation soit le premier et le stade essentiel. Ça existait en France quand j'ai étudié droit social. Pourquoi ça a changé en France et pourquoi ça n'a pas changé en Suisse, par exemple? Pour des raisons de moyens. Des moyens. De moyens personnels, pas seulement en personnel. Le Conseil des prud'hommes de Bobigny, il y a 5 codes du travail disponibles. Il y a 2 ordinateurs, mais ils n'ont pas accès aux bases de données juridiques. On dit c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est comme ça. Bon. Donc les moyens de certains conseils des prud'hommes sont tellement dérisoires que pratiquement on les condamne non pas à fonctionner mal, mais à fonctionner avec des bouts de ficelle, en se débrouillant, ça, bon. Donc, la phase de conciliation, moi, enfin, je ne suis pas un expert de ça, mais je regarde ce qui se passe. Ça a existé en France, il y a très longtemps. Ça existe dans d'autres pays, depuis très longtemps. En France, on identifie les raisons pour lesquelles les mesures dilatoires faites par les employeurs peuvent fonctionner et comment une juridiction peut lutter contre. Donc, c'est aussi une question c'est difficile de dire ça, de conscience collective. On accepte ou non que la juridiction du travail française sombre dans les difficultés. Si on ne l'accepte pas, on regarde les problèmes, etc. Pour l'État, c'est inacceptable. Ça existe. C'est choquant qu'on puisse faire présider un TASS par quelqu'un qui, par définition, n'a pas la compétence pour le présider. Et qui donc va s'en remettre aux fonctionnaires qui ne sont pas malhonnêtes, mais qui ont tendance à traiter les affaires en fonction de leur point de vue, etc. Et donc, il n'y a pas de fonction juridictionnelle à proprement parler. Il n'y a pas une contradiction, il n'y a pas une défense d'intérêt de l'un, il y a simplement une instruction administrative qui, pour certaines personnes, peut être terrible. Donc, c'est toute une conception de la justice qui, en France, n'a pas été favorable jusqu'à présent aux juridictions sociales. Vous savez, pendant longtemps, en France, il y avait des juridictions militaires. Moi, j'ai voté la suppression des tribunaux d'exception. J'étais député, j'étais très content. Mais j'ai connu les juridictions militaires. J'ai été témoigné quand j'étais député pour des garçons qui étaient poursuivis comme déserteurs, insoumis, etc., dans les juridictions militaires. C'était totalement aberrant. Bon, la France a vécu avec des juridictions militaires pendant très longtemps. La République a été fondée en grande partie, la Troisième République a été fondée en grande partie par l'indignation provoquée par des décisions de juridictions militaires iniques dans l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, ça a été une affaire de révolte contre quoi ? Contre l'iniquité d'une caste militaire qui venait de perdre plusieurs guerres et qui se vengeait comme elle le pouvait contre un officier qui était suspecté et qui était juif. Donc, il y a le mélange d'antisémitisme et de... Bon. Pourquoi est-ce que ça a provoqué une telle indignation ? Parce que tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait là quelque chose de monstrueux. Parce que Dreyfus, il était au bagne, hein ? Il n'était pas seulement dégradé, il n'était pas seulement chassé de l'armée, il était enfermé dans l'île du diable. Bon, ça a quand même pris des années. Il a fallu que Zola rédige J'accuse, il a fallu que Clémenceau invente le titre J'accuse, parce que le Zola avait écrit Lettre à Monsieur le Président de la République, dans le journal L'Aurore, qui à l'époque était un... Ça n'existe plus. Et Clémenceau a dit non. J'accuse, il a fait un titre. Et alors, le texte de Zola a ouvert un débat, mais ça a quand même mis 15 ans. Bon. Donc, l'attitude à l'égard de la justice a été en grande partie à l'origine de la Révolution française, et l'attitude à l'égard de la justice militaire, dans les conditions de l'affaire Dreyfus, a été en grande partie à l'origine d'une évolution démocratique de la Troisième République. Parce que la Troisième République, elle était, c'était vraiment la République des fusilleurs, hein. Elle était antisyndicale, antisociale, antilaïque. La République, le début de la Troisième République, c'était une République extrêmement réactionnaire. Et puis, hop, ça a tourné. L'affaire Dreyfus a été un détonateur. La Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, dont quelques-uns d'entre vous sont membres, elle est née de l'affaire Dreyfus. Ça paraissait tellement énorme. Bon, les juridictions sociales n'ont pas atteint ce degré d'horreur. Un jour, peut-être, qu'il y aura une affaire comme ça. Peut-être. Dans votre ouvrage, vous faites des propositions pour remettre sur pied cette justice sociale et vous dites notamment que c'est une question de moyens matériels, de moyens en hommes. Vous dites qu'il faut doubler le nombre des magistrats. En 20 ans. Mais comment faites-vous face à une situation où on voit quand même que des juges disent pour les continentales c'est le co-employeur, c'est la filiale qui ne doit pas être condamnée, mais c'est le groupe entier qui fait des bénéfices qu'on doit prendre en compte, très bien. Mais parmi ces moyens, n'y a-t-il pas l'interdiction des licenciements boursiers qui pourrait être un projet de loi, une proposition de loi de la part des parlementaires. Sur le plan des moyens matériels, comment faire alors que le Premier ministre demande à Madame Taubira, la garde des Sceaux, de réduire, de rogner son budget de la justice de 30 millions d'euros. Comment faire ? Est-ce que vous... Comment vous entrevoyez la manière de parvenir à ce que vous nous proposez dans votre ouvrage ? Vous savez, d'abord, ce que le nouveau Premier ministre demande à Mme Taubira, j'en sais rien, et vous non plus. La seule chose qui est sûre, c'est que pour le moment encore, le budget du ministère de la Justice est un des rares budgets qu'on ne réduit pas, et même qu'on augmente dans certains secteurs. Trop peu, ça. Mais évidemment, ce n'est pas la question, mais ce n'est pas la question principale. Mais doubler le nombre de magistrats en 20 ans, c'est une plaisanterie, c'est rien. Il y a combien de magistrats en France ? Il y a 7000. Bon, un magistrat moyen, il a une durée de vie de combien ? 40 ans. Bon, donc il faut renouveler tous les 40 ans. Donc, ça veut dire recruter quelques centaines de magistrats chaque année. Ça ne se fait pas. Mais non, mais ce n'est pas quelque chose qui est au-dessus des moyens de la France. C'est pas une démarche très dispendieuse. On dit qu'on va embaucher 60 000 professeurs. Ça, très bien. 60 000 professeurs. Mais quelques centaines de magistrats chaque année. Pendant 20 ans, pourquoi ? Il n'y a aucune raison, on ne va pas embaucher 6 000 magistrats l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que on a besoin de magistrats jeunes, on a besoin de magistrats formés, on a besoin de magistrats expérimentés, on a besoin de magistrats capables d'exercer les plus hautes responsabilités. Ben, le magistrat jeune, on peut l'embaucher, il faut encore 3 ans, 4 ans pour qu'il sorte de l'école. Le magistrat expérimenté, il faut encore 5 ans de plus ou 10 ans de plus pour qu'il puisse occuper des responsabilités importantes. Pour qu'il puisse devenir conseiller de cour d'appel ou président de chambre de cour d'appel, il faut encore 15 ans de plus. Par conséquent, si on doublait en 20 ans le nombre de magistrats, on aurait une pyramide de magistrats qui ressemblerait à celle de l'Allemagne, où ce sont des professionnels éprouvés, etc. J'ajoute qu'en France, le recrutement à l'école de la magistrature augmente cette année pour la première fois depuis 6 ans. On arrivait à une situation où le nombre de magistrats en France n'avait pas augmenté, mais reculé, faute de recrutement. Mais tout ça, on ne va pas passer là, c'est trop, pas trop compliqué, mais c'est trop... L'objectif général, est-ce qu'en France, on considère que c'est important d'avoir une justice qui juge, y compris, qui aide les faibles et qui juge les puissants ? Je ne suis pas sûr que ce soit une opinion généralement répandue. Beaucoup d'affaires très importantes qui ont été étouffées, qui traînent pendant 15 ans. C'est quand même... c'est un fait, vous savez, beaucoup, des gosses, quand ils ont appris que l'ancien président de la République, Chirac, après 17 ans de procédure, était condamné à 2 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds et détournement de fonds publics, ça fait 3 lignes dans les journaux. Ça veut dire que les Français s'intéressent assez peu au fonctionnement de la justice. Je parle de lui, mais je pourrais parler d'autres. Hein. Simplement, je constate que ça a été une affaire qui est... Et encore une fois, je vous répète que il y a à l'égard des jeunes une férocité sociale qui est choquante. L'histoire que je vous raconte le dimanche dernier, c'est choquant. On va dire, c'est pas grave, c'est un petit... Si, c'est grave. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand même qu'à un moment donné, il y a un parquetier ou une parquetière de service, le samedi, qui a dit, d'accord, au dépôt. Et il y a une décision qui a été prise. Le parquetier a dit, qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a piqué une canette de Coca-Cola. Il l'a piqué ? Non, il ne l'a pas piqué, il a essayé. Quand ? Hier soir. Avec qui ? Avec l'autre qui a avoué ? Oui, il a avoué, bon. Vous l'avez ? Oui, il a reconnu qu'il avait tenté de voler une canette de Coca-Cola. Oui, d'accord. Eh bien, il ira voir le juge avec sa maman, le moment venu, etc. Non ! Le parquetier de service a dit, oui, au dépôt, pour une canette non volée. Enfin, écoutez, et malheureusement, ce n'est pas absolument exceptionnel. Sans parler d'autres erreurs là, qui sont faites par des gosses qui sont mis en prison, alors qu'ils ne devraient pas y être. Il y a quand même, à l'égard de la jeunesse, à l'égard qu'il n'y a pas à l'égard de grands délinquants dans le domaine économique et financier, dont la nuisibilité d'un grand délinquant, d'un grand fraudeur fiscal, est quand même, à mon avis, très supérieure à celle d'un homme qui pique une canette de Coca-Cola. Voilà, dernière question. Bonsoir, ce n'est pas une question, c'est une constatation. Mais quand vous parlez justement qu'il y a une justice à 2 vitesses et puis des gens qui sont en bas dans la société, je suis bien placée pour le savoir, puisque je suis administratrice à Val-Touraine Habitat, c'est un office d'HLM et j'y suis en tant que Association Défense de Locataires, et la misère, je connais, quand on doit attribuer des logements. Et quand vous en parlez très bien. Par contre, c'est une constatation avec un petit peu d'humour, entre guillemets, c'est que depuis des mois, on nous serine, aussi bien les médias que les politiques, que tout est super bien en Allemagne, hein, au niveau des salaires, au niveau du fait qu'on va faire un SMIC et tout. Et là, je constate que c'est bien dommage qu'on ne fasse pas le parallèle entre la justice française et les exemples qu'on pourrait prendre sur l'Allemagne, que vous avez expliqué par rapport à l'Allemagne, à la Suisse et à la Belgique. Donc, au lieu de nous dire que, bon, voilà, l'Allemagne, c'est parfait pour beaucoup de choses, on pourrait peut-être dire que l'Allemagne, c'est aussi meilleur que nous au niveau de sa justice et aussi essayer de l'égaler. Oui, je pense que c'est un... Je me réfère à l'Allemagne parce que c'est l'exemple le plus intéressant sur le plan historique à cause de l'histoire de Bismarck. Mais dans les pays scandinaves, en Belgique, en Suisse, on a une évolution différente qui aboutit à ce phénomène essentiel, à savoir que la justice est un service public respecté, bien traité, bien doté, et qu'en France, ce n'est pas le cas. Et si l'opinion publique s'en empare, un jour, ça changera. Et tant mieux si on peut y participer un peu comme par des réunions comme celle-ci. Voilà.